J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui! Ouais, bonjour! Yes. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de flow de cast. Il s'agit tout bonnement du 14e. Et avec trois invités, enfin pas vraiment trois. Putain, je suis désolé, Adrien. Ouais, j'ai ce réflexe, j'ai ce réflexe. Mais dans mon cœur, t'es toujours un invité. J'ai l'impression d'être quelqu'un que tu kennes, mais t'as honte, t'as pas. Donc tu dis ah non, mais c'est un invité, c'est pas vraiment. Attends, je peux comprendre. Non, ouais. Je peux me permettre. Alors, on a ken. Ça n'a rien à voir. Oh, c'est autre chose encore. Ça s'est passé deux fois. Ouais, ça va. Long démarrage, mais une fois que c'est lancé, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà. Nous sommes avec Insaf. Ouais. Bonjour. Insaf, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, je pense qu'ils ne me connaissent pas. Est-ce que tu peux expliquer, du coup? Je suis community manager. Voilà, je suis sur les réseaux sociaux. Exactement. T'as vu dans sur quel site tu as pu travailler, par exemple? Alors, Golden Moustache, c'est là où t'es connu. C'est là où on s'est rencontré. Bien sûr. Et puis ensuite, Studio Bagel. Exactement. Super. Et puis, des agences, des marques. Voilà. Est-ce que tu peux citer une marque? Je peux citer une marque. Je peux citer Monoprix très vite fait. Oh. Très vite fait. On a la personne derrière les jeux de mots. On sait qui c'est. C'est à peu près ça. Nous sommes également avec Hakim Gemili. Ah ouais. Yes. Eh oui. Bonsoir tout le monde. Quel plaisir, merci beaucoup les gars. Hakim, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent peut-être pas? Évidemment, je m'appelle Hakim. Je regardais ton sweat, j'avais pas vu, il est très beau. Il est pas mal, hein. Ouais. Il est chatoyant, il y a des couleurs, c'est Air Jordan ça. C'est le truc du K54 là, tu sais. C'est très stylé. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça que Big Flo et Oli ont plagié avec leur marque. Il y a le même. Ah bah, je pensais que c'était Big Flo et Oli. C'est oui, bah voilà, ça c'est pas le leur. Il est chaud, il attaque tout de suite. Ouais, effectivement, c'est c'est Big Flo et Oli qui ont plagié ça, effectivement. En tout cas, on peut dire stand-upper. En tout cas, tu fais de la scène. Ouais, c'est ça, je fais de la scène. Un peu comme vous, les. Enfin, non, on fait pas de scène, vous encore. Nous, on fait pas vraiment de scène. Ouais, bientôt. Et là, depuis la rentrée, on te voit à la télévision. Oui, effectivement, sur Click, ouais, tous les soirs avec ma femme, on a la chance de partager une petite pastille, c'est vraiment cool, on s'amuse bien. Une petite chronique, c'est tous les jours d'ailleurs ou c'est... Ouais, c'est du lundi au vendredi. Putain, ouais. C'est ouf, ouais. Ça va, pas trop de taf? Il y a beaucoup de taf, les gars. Ouais. Je souffre, c'est galère, hein, mais c'est vraiment super comme expérience. Bon, trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et comme à l'habitude, alors je sais pas si vous avez écouté l'émission. En gros, en début d'émission, on parle un peu de l'actualité, mais alors attention, très tranquille, l'actualité qui n'a pas le moindre sens, puisqu'en gros, c'est plus ou moins les grosses têtes, hein, on reprend, mais avec, avec des gens un peu plus jeunes. Le thème est le plagiat. Par exemple, si je vous dis qu'une explosion bien particulière a eu lieu dans un élevage bovin en Australie, à votre avis, de quel genre d'explosion je parle? Alors, ouais. Attends, je veux le mien, frérot. Le verre, moi. Alors, parce qu'en fait, il y a des buzzers qui traînent ici. Parce que ma meuf. Alors, je vais tout vous raconter. Ma meuf fait un jeu à Frames. Donc, si vous écoutez, peut-être, vous êtes peut-être assisté à ce jeu. Et donc, du coup, elle a laissé traîner des buzzers qu'elle a achetés. Et du coup, voilà, les gens jouent avec. Non. Alors, est-ce que t'as une réponse ou pas? C'est le méthane, le gaz dans les intestins des bœufs qui a. Non. Pas du tout. D'accord. Des bœufs, par contre. Non, ouais, je suis intransigeant, en fait. C'est une explosion genre violente? C'est une explosion très violente. Ah oui, tu répondais à la question. Ah oui, d'accord, c'est pas une explosion genre violente donc. Si. Ah. Donc explosion plutôt violente causée à votre avis par quoi? C'est un élevage de bœufs. Un élevage de bœufs, c'est un élevage bovin. Ok. C'est-à-dire que c'est des vaches potentiellement. Je peux te jeter des trucs au visage à tout moment. non mais que tu le saches. Je réfléchis. Elles sont mortes les vaches? Dans l'explosion, oui, il y a eu des. Non, alors tu sais quoi, même pas en fait. Les vaches n'étaient pas présentes au moment de l'explosion. Ah bah tant mieux. C'est vrai. Ça doit être une vache alors. Non. non, c'est pas une vache. Il a foutu la merde. L'indice est assez parlant quoi. Comme par hasard, il y avait pas de vache. C'est bon. Foutez pour notre gueule quand même. On les connaît. On les connaît. C'est en Australie, d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez dit. Est-ce que c'est une explosion? C'est lié. Enfin, ça aurait pu se passer ailleurs que dans un élevage, ou alors c'est vraiment directement lié au fait que c'était un élevage de vaches. C'est un peu rigolo quand tu connais la réponse, mais ça aurait pu se passer ailleurs. Mais il aurait fallu. Enfin voilà, le fait que ce soit des vaches permet que ce soit une explosion. Je te perds, je sens bien que je te perds en te disant c'est la merde de vache, la les gaz. Non, on n'est pas sur la merde, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Non, on se rapproche. On se rapproche. On est sur la pisse. Je vois pas ce qu'il y a de proche de la pisse. Le lait de vache. Non, lait. Mais là on est encore presque, on est encore plus proche. Les tétons, les mamelles. Non, non, pas les mamelles. Le paix. Pas le paix. Ouais. Lait, pisse. Lait. Mais, fais un mélange des deux. Oula, du sperme de bœuf. Non. Exactement. En fait, il y a eu. Une... Ah, comment t'as fait le mélange des deux? On parlera après. On reviendra après sur ce qu'est le sperme parce que t'as une idée très erronée. Attendez, excusez-moi. C'est pas un mélange de lait. Et c'est toi qui as trouvé la réponse. Ouais, mais attendez, quand on jouit, c'est de la pisse, on est d'accord. Mélangé avec du lait. Avec du lait, ok. Non, en fait, il y a eu une explosion d'une centaine de cylindres. C'est vous dire quand même beaucoup. À quel point c'est énorme. De sperme de taureau. Alors en vérité, c'était plus des taureaux. Qui ont été détruits par les flammes, et donc les 10 équipes de pompiers qui essayaient de maîtriser l'incendie ont été recouverts de sperme de taureau. Ils sont tombés ensemble. Qu'est-ce que et ça faisait là? Pourquoi ils avaient des tonneaux? Pour les inséminations, je pense. Exactement, pour inséminer des vaches et ainsi faire des bébés veaux et nous nourrir. Donc, c'est dommage. Détruire la planète. Voilà, en gros. Et il faut savoir quand même qu'un cylindre de sperme de taureau vaut entre 500 et 1000 euros. Ah ouais? Donc, il y en a eu combien qui ont explosé? Il y en a eu près de. Je l'ai pas. Je voulais le faire au bluff. Beaucoup, mais ouais, non, il y a eu une centaine de cylindres. Ah ouais, grosse perte. Au moins 100 000, presque 100 000 euros de perte à cause du sperme de taureau. Donc voilà, pensez-y pour les fêtes, c'est entre 500 et 1000 euros du sperme de taureau. Bah après, pas. C'est pas. Faut pas blâmer le sperme, c'est pas à cause de. Oui, et d'ailleurs, ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tous les enfants, ne blâmez pas le sperme. Aux enfants, c'est bizarre. Blâmez le spermeur. Ne blâmez pas le sperme. C'est fou parce qu'en gros, là, t'es en train de dire qu'il a plus du sperme. Exactement, à la manière du sketch de Bategaël. Qui est d'ailleurs un sketch sur lequel j'ai rencontré ma meuf. Je dis. C'est vraiment la première fois que j'ai vu ma meuf, elle se prenait du sperme en regardant le ciel dans un sketch de Bategaël. Voilà. Quelle belle ambiance. Et après, derrière. Ils ont eu un Molière, je crois, pour ça. Question suivante. Quelle loi a décrété un maire de l'ouest de la France au sein de sa ville? Ah oui, je crois que j'ai lu cet article-là. C'est un arrêté un peu étrange. Exactement. Attends, c'était de pas mourir à la maison. Non, c'est pas ça. J'adore. C'est pas ça. Les gens qui rampent par la fenêtre. Attends, je suis en train de faire une crise cardiaque. Oh non, je vais me prendre un PV. C'est une interdiction. C'est une interdiction. Ouais. Ok. C'est un truc genre choquant. C'est pas choquant, mais ça n'a pas le moindre sens. Ok. Putain, mais j'ai lu ça. Un rapport avec les animaux? Aucun. Okay. Pas de sperme, rien. Non. La musique? Pas le moindre sperme. Alors, dis-toi que la musique fait partie des trucs qui jouent dans cette loi, mais c'est pas ça. Part pas sur la musique. La culture? Quoi. Ah, y a pas un festival qui est. Ah, d'être en joie. Exactement, Hakim. Oui, monsieur. Très, très, très, très bien. En fait, c'est. Effectivement, c'est à Essar, en Bocage, 9000 habitants. Le maire de cette petite ville de l'ouest de la France, qui est d'ailleurs un maire qui ne fait partie d'aucun parti, voilà, maire libre, sans étiquette, a publié un arrêté municipal officiel portant sur la semaine du 5 au 11 octobre, lors de la première édition du festival de musique Ville en Joie. Considérant la vitesse à laquelle une émotion négative peut se répandre et faire des ravages, et le risque élevé de mauvaise humeur à l'arrivée de l'automne, et au taux d'ensoleillement moins important, l'élu demande de ne laisser entrer sur notre territoire aucune personne qui pourrait faire barrage à l'expression de cette émotion, à savoir la joie. Ah, donc c'est l'inverse, c'est, c'est interdit de pas être en joie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et l'arrêté date du 13 septembre et exige aussi d'interdire la diffusion. C'est pour ça que t'étais pas loin. L'interdiction de diffuser toute musique qui pourrait être perçue comme déprimante ou triste, de films, d'histoires ou de livres qui se termineraient mal, ou encore de produire des endorphines, les hormones du bonheur, en riant au moins trois fois par jour. Et il va hacker les radios, les télés nationales parce que c'est peut-être. Est-ce que c'est toi? Quand j'ai lu l'anecdote, je me suis dit, ah ça, Adrien, je pense, un truc qu'il adorerait. Au quotidien, qu'on te force à être heureux une journée, qu'on t'oblige, qu'on te dit bah franchement, sois heureux quoi. Ah bah attends, la vie est belle quand même. Est-ce que vous avez, alors peut-être pas un remède à quand vous êtes triste, mais parce que c'est toujours le truc un peu nul, c'est genre bah tu peux pas, enfin tu vois, un truc t'es triste. Est-ce qu'il y a un truc qui vous aide à garder le sourire, Adrien par exemple peut-être? Oh bah dis donc. non, je sais pas. Un bon bouquin. J'ai mon chien maintenant, un peu. En vrai. Et ça change tout. Bah en vrai, de manière générale, quand on va pas bien, s'occuper de quelqu'un d'autre, ça permet d'un peu de pas être centré sur soi et d'oublier un peu ses problèmes et d'aller mieux. Et un chien, alors j'imagine avec un enfant, ça doit être encore pire, mais. Bah c'est un bon palliatif, on peut le dire. Mais bah en fait, un enfant, tu peux peut-être basculer après dans l'inverse, parce que là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de responsabilités. Un chien, c'est cool, quoi. Ouais. Tu le sors 3-4 fois, t'es tranquille. Et non, ouais, il y a un peu ça maintenant, je trouve. Juste de m'occuper, non mais m'occuper d'elle, tu de ta petite chienne. Penses plus trop à toi pendant un moment. Comment va Francky d'ailleurs, parce que tu sais les auditeurs posent énormément de questions sur ce chien, ça commence à me blesser. Bah écoute, bien. Voilà, elle va bien. Voilà, ouais, ouais, très bien. Voilà. Insaf, pas spécialement. Des bons jeux de mots Monoprix. Direct. Non, bah non, je pense que je suis le festival. Donc, tu pars pas à Eus les Valoirs, j'ai oublié directement le nom. Non, Eus l'Enfoiré. C'est dans, ouais, c'est dans l'Ouest. Ah, putain. Non, mais oui, faut, en fait, faut le vivre, en fait, faut pas oui, se faire voilà, chier. Tu le subis et puis tu passes à autre chose. Parce que les gens croient qu'on a des. En fait, c'est assez marrant. Vu qu'on parle des fois de déprime, de dépression, des trucs comme ça, il y a des auditeurs qui, des fois, nous demandent des conseils et tout. En fait, on n'est pas mieux calé que vous à ce niveau-là, quoi. Enfin, tu vois, tu subis le truc, quoi. Moi, je suis toujours triste, en fait, assez souvent. C'est-à-dire j'aime bien ce sentiment. Ouais. Ouais, je trouve que c'est intéressant, c'est inspirant. Mais moi, je viens d'avoir un petit chat, du coup, t'as raison, ça fait du bien là. Ouais, c'est vrai. Ça, je m'occupe un peu de lui. Mais on n'a pas encore trouvé son prénom, on est en train de chercher. Mais... Ça fait combien de temps que vous l'avez? Hier. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est très récent. Ouais, c'est très récent. C'est très très récent. Très, très récent. Super mignon. Quelle loi veut faire appliquer une députée kényane? On est très sur les lois dans cette émission. Mais là, on est au Kenya, on bascule tout doucement. Dans un autre pays. Au Kenya, on a le droit de parler de ça ici? Ouais. Mais t'inquiète, c'est à la cool. T'inquiète, on n'est pas sur une loi trop. J'essaye de garder un tout petit peu de bonne humeur dans cette émission. Et non, ne t'inquiète pas. Une interdiction encore? Une interdiction. D'abord. Elle n'a pas réussi à la faire passer, hein. C'est-à-dire qu'elle l'a demandé, mais que non, pour le moment, c'est un. Rapport aux touristes? Rapport au tourisme. Oh, joli. Interdit aux blancs. Non. Oh, c'est le plus gros problème en France, le racisme anti-blanc. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Ménès. Si Pierre Ménès le dit, c'est que c'est ça. C'est vrai, c'est la vérité. On va pas le contredire, du coup. Son fils, ils lui font pas de passe au foot. Ils font pas de passe. Racisme anti-blanc. Racisme anti-blanc. Ou alors, peut-être parce que son père, c'est Pierre Ménès. Peut-être pour ça. Peut-être on sait pas. Peut-être parce qu'il est tout simplement très très nul. Peut-être. C'est peut-être pour ça. Il l'a dit en plus. Mon fils était nul, il lui faisait pas la passe. Ah, il a dit ça d'abord. Il l'a dit. Bah voilà, bah. Il y a un début, ouais, il y a un début d'élément. Hein, il y a un élément, oui. L'enquête va être assez courte. C'est un rapport avec le tourisme, c'est un rapport avec un moyen de transport. Ah, voilà. Pas d'avion. Ah, les animaux. Non, c'est pas les animaux. Il y a un rapport à l'athlétisme? Non, pas l'athlétisme. Ils courent beaucoup les... Non, bah pas là, en tout cas. Ça n'a rien à voir. Tant t'as dit les moyens de transport, hein, exactement. Les avions? Ouais. Ah. Pas d'avion qui atterrit. Ce serait dur quand même. Bah ouais, bah ils se démerdent, les mecs. Tu sautes. Non, c'est pas ça, mais c'est l'avion. Une loi dans un avion. Dans un avion. Ouais. Une députée qui veut faire voter quelque chose contre quelque chose qui se fait dans les avions. Qui se fait dans les avions. Pas d'alcool dans les avions? Non. On a le droit de refumer? Non. Ah, l'horreur. Ça serait. Moi, je trouverais ça vraiment cool. Hein. Ah ouais. Sur les longs courriers, c'est comme ça de relou quand même. Ah oui, mais parce que t'es fumeur. Ah oui, je fume. Les ah, gars. Ouais. Ah, ouais, ah ouais. Ouais. Putain, 14 heures de. Ouais, mais. Tu pètes les plombs. T'as envie de taper les stewards et tout. On a le droit de vapoter dans les avions ou pas? Non. Je me plains d'ailleurs là maintenant. Là, je suis énervé. De c'est horrible. Non, mais attends. Mettez-nous un petit fumoir, les mecs, de côté. Mais quoi, tu vois, en vrai, un petit fumoir, pourquoi pas? Moi, je fume pas du non, tout. Non, mais c'est une arnaque, les fumoirs. On sait très bien. Non, mais tu sais où les tu soirées fumes. Où il y a des fumoirs, c'est genre la porte est ouverte et il y a de la fumée partout, quoi. Oui, mais dans l'avion, on peut trouver des solutions, les gars. ça serait cool quand même. Peut-être juste un petit trou qui donne, tu vois, qui donne vers l'air. Ouais. Tu peux des petites cabines individuelles. Tu peux y aller que un par un. Mais voilà, c'est super. Vraiment, t'es dans un truc en verre comme ça, tu peux fumer et le truc. Est... Après, là où je rejoins Adrien, c'est que moi j'ai fait un long courrier XL Airways, la pire compagnie, je le répète assez régulièrement dans cette émission, je l'ai. Et j'étais pas loin des chiottes et ça sent la merde. Donc, effectivement, près d'un fumoir, ça sentirait la clope, je d'ailleurs, pense. D'ailleurs, ils font faillite, tu sais ça? Eh bah, tant mieux. Ouais. Ça me rend, franchement. Je suis très, très content. Ouais, je leur souhaite. Ils m'ont fait souffrir. C'est-à-dire? Bah, frérot, incroyable. Il n'y a même pas d'écran. Tu t'en rends compte? Il n'y a même pas d'écran pour aller à Los Angeles. Pas d'écran. Rien du tout. Rien. C'est horrible. Tu es sur ton téléphone. T'as même pas de prise pour brancher ton téléphone. C'est vrai? Bah oui, il n'y a rien. Ah oui, donc c'est. Non, alors là, je le trouve un petit peu pas sympa parce que tu peux payer en plus une tablette qui possède 4 films. Oui. C'est-à-dire que si tu veux les autres, faut payer les autres films aussi. C'est ça, tu dois payer le film à chaque fois. C'est, alors, c'est assez magnifique. Ah ouais, c'est fou parce que j'ai pris cette compagnie et. Et j'ai adoré. Non, mais j'avais une télé. Ah bon? Ah ouais? Il y a juste la bouffe qu'il fallait payer. Mais. Ah bah. C'était quand? C'était combien de temps? C'était il y a 4 ans, 3 ans. Ah bah ça a changé. Hein. Ah ouais, moi c'était il y a moins c'était longtemps. C'était le tout début, je crois. Ah ouais. Oui, c'est ça. Il faut un peu péter les trucs. Ça dépend peut-être des vols aussi, quoi. c'est, tu vas dire, non, c'est, non, c'est comme un taxi, ça dépend sur qui tu tombes. Non, mais les avions dans lesquels il y a des écrans, les avions dans lesquels il y a des écrans, ils les sont pas jetés quoi. Ils existent toujours, donc il doit y avoir encore des avions où il y a des écrans. C'est probable. Et en même temps, c'est vrai que ce que tu dis, parce que j'ai pris un, je sais plus, mais un truc genre Air France, et il y avait un changement. J'ai fait Arabie Saoudite, Philippines, donc il y a quand même 8 heures, et il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas, pas d'avion, donc c'était la galère. Y aller à pied, c'est vraiment. Non, il n'y avait pas d'écran pour le coup. Sur la moitié du vol, et c'était fou, il n'y avait pas d'écran. Mais c'est horrible. Mais ouais, j'ai détesté. J'ai tout bonnement détesté. Bah, je pensais que légalement, c'était obligatoire qu'il y ait, au bout de 5 heures de vol, une télé. Bah, un écran. Ouais. Ouais, ouais. Et là, il faisait une pièce de théâtre. Bah, ouais. Il jouait une pièce de théâtre. Parce qu'en plus, pour c'était Air France. Ben, c'est ça, en fait, c'était Air France. Donc le billet, parce qu'XL Airways, bon, le bon côté, c'est que le billet est à 22 euros. du coup, ça fait qu'effectivement, tu peux pas trop te plaindre. Mais je le racontais dans un des derniers podcasts, moi j'ai eu de l'eau dans l'avion. C'est-à-dire que l'eau rentrait par la porte d'entrée de l'avion. C'est affreux, ça. Attends, pendant le vol ? Pendant le vol. Non, non, c'est pas possible. T'es très haut, et moi je suis pas inquiet en avion. Mais quand là, même, peut-être. Ouais. Et ma meuf et moi, en fait, on avait pris un endroit sans siège devant pour étendre nos jambes parce qu'on est un peu grand. Et on a eu une gerbe 2000 et tous les deux nous avons vomi. Alors qu'on est quand même plutôt, tu vois. Ah, vous avez vomi dans l'avion ? Tous les deux. Mais à cause de quoi ? Parce que le vol bougeait les trop. Turbulences. Wow. Beaucoup trop. C'est-à-dire que mais c'était pas des turbulences, c'était tout le long. C'est comme si vraiment il démarrait l'avion à la clé tout le long. Tu sais, il y avait vraiment un petit tremblement. Avec il roule sur des pavés. Exactement. Il roule sur des pavés et c'est numéro 1 d'ailleurs aussi. Oui. En plus de taper sur les bambous. Non, c'était vraiment nul. Donc bon, écoute, on va pas les plaindre. Hein, mais et ça reste des gens qui perdent leur travail et ça, on pense à eux. Oui, bien sûr. Ouais, évidemment, on les embrasse très fort. Évidemment. La loi du Kenya. Eh ben. Avion. Interdit de chier justement. Pas loin. Aïe aïe aïe. On est dans la finesse hein, là encore. Interdit hein, de vider les chiottes. Et ce serait horrible sur des vols de 12. Ouais. Non, mais ça, non. C'est la légende urbaine des. Interdit d'y aller plus de 2 fois, 3 fois non. Sur le vol. J'attendrais. Ah ouais, ça serait cool non. Ça. Non, non, non, non, c'est pas ça, mais on s'approche. Il y a un rapport avec les chiottes ou pas du tout ? Il y a un rapport avec chier, mais après, c'est à toi de voir. Ouais. Et donc, interdit. De parler ? Non. C'est pas trop de rapport avec chier. Ça dépend. Ouais. Si t'es au téléphone quand tu vas chier, mais là non. C'est un rapport avec chier. Non, c'est pas vraiment chier, mais on est dans le. T'as pas le droit de péter. On est dans le champ lexical du trou de balle. Oui, exactement. On a pu, enfin, une députée kényane a demandé qu'une loi soit adoptée pour aider les équipages à faire face aux passagers qui lâchent des vents à bord des avions. Liliane Achin Gogo, députée de la circonscription de Rangwe dans l'ouest du Kenya, a déclaré au Parlement que les passagers qui pètent devenait de plus en plus une menace pour la sécurité en raison du malaise causé aux autres voyageurs. Eh oui, mais il mange, la députée, faut pas exagérer quand même. Non, attendez. La députée contribue à l'élaboration d'une motion visant à modifier une loi sur les infractions commises à bord d'un aéronef et voulait ajouter en fait cette clause entre avoir des armes à feu et se battre contre des stewards. Parmi les réformes qu'elle proposait, il y avait aussi une qui permettait aux équipages de conduite de fournir des médicaments contre les pets aux passagers. Alors si tu lâches des caisses, elle t'amène un petit médoc gratos de façon un peu sympa. C'est-à-dire qu'elle pointe du doigt les problèmes, mais il y a aussi les solutions. Et pourquoi je vous parle de ça également ? Ça, c'est pas souvent chez les petits cars. Et ça, on peut le souligner. Monsieur Macron qui nous écoute. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, il y a déjà eu une histoire qui date de mi-août 2019, puisque c'est une députée du Kenya, une fois de plus, qui a entraîné la suspension d'un débat parlementaire parce qu'elle lâchait des caisses. Voilà. Donc c'est, on est autour là-dessus. Il y a vraiment un truc au Kenya. Il y a un truc public, ouais. C'est... Apparemment, ils détestent. Apparemment, il y a vraiment un truc dans ce pays où le pay est vraiment inacceptable. Ouais, je vois ça. Ouais. Il y a peut-être un aliment particulièrement carminatif. Carminatif, ça veut dire que tu fais péter. Voilà, Carminatif. Ouais. Ah bah merci beaucoup. Voilà. Ah mais c'est vrai, c'est bon à savoir. Voici votre prix, monsieur de l'orthographe. Je suis Jean d'Ormesson. Bravo mec, elle est pour toi celle-là. De quelle malformation physique un homme de 74 ans a hérité suite à un choc au crâne ? Oula. Waouh. Bah une bosse. Assez simple. Pas ouf, hein. Pas ouf cette anecdote. Suite à un choc au crâne. Donc il a eu une déformation ailleurs sur le corps ? Non, c'est au crâne. Un truc qui s'est passé sur son crâne suite au choc. Il a une fontanelle de bébé à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? La fontanelle, le. Ah, ça, là où tu ne trouves pas appuyer pour tuer le bébé ? Ouais. Ouais. Ça c'est très stressant d'ailleurs. Ouais. Quand j'étais petit, fais touche pas sa tête parce que si tu appuies, il meurt. C'est vraiment une grosse pression quand même. Non, t'as jamais ça. Vu ça sur les crânes de bébé. Non, je sais en fait, ils se rendent compte. Mais c'est pour ça que j'ai tué 8 enfants. La vache. En fait, les crânes des bébés, ils finissent de se former après la naissance. Et d'accord. Il y a des parties où il y a pas encore l'os, quoi, où c'est mou, quoi. Et donc tu vois, tu peux voir le cœur qui bat et tout. Enfin, c'est horrible, quoi. Ça, c'est horrible. Donc si tu regardes un crâne de bébé qui est un nourrisson, tu peux voir cette partie molle, quoi. Ah d'accord, je savais. C'est affreux, c'est très stressant. Ouais, ouais. C'est pas ça qu'il a eu alors. Non, c'est pas ça. Est-ce que ses cheveux ont repoussé, je sais pas. Non. C'est un gros nez. Un gros nez. Non. Ça a été très drôle. Un très gros nez. Un filtre Insta. Ouais. Non, pas du tout. Mais tu sais qu'en fait, avec la bosse, t'étais entre guillemets pas si loin. Mais c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Je vais vous montrer l'image. Un deuxième. Non, c'est hardcore ou pas ? C'est mi-hardcore. Des cornes, il a des cornes. Il a une énorme corne au milieu du crâne qui fait de lui une licorne, c'est tout simplement. Ah. Alors je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Wow. Ah, parce que... Non, mais c'est pas une corne. Non, mais c'est ça sort d'où ? Enfin, il s'est enfoncé un truc là. Non, il s'est cogné très fort. Et sur quoi Oui, en fait, en gros, les os, ils se forment. Bah, ouais, je sais pas. C'est la corne du diable. Ils appellent ça une corne du diable qui pousse sur son front depuis environ 5 ans après que l'homme ait fait une chute et se soit blessé à la tête. Surnommé l'homme licorne, ce n'est que récemment qu'il a finalement pu retirer cette excroissance. Au départ, c'est son coiffeur, barbier, qui entretenait cette corne et tentait de limiter sa croissance. Afin de limiter sa croissance. Merde. Mais la situation, j'aime bien un coiffeur sympa. Il allait voir un coiffeur, aller voir un médecin. C'est quoi cette histoire ? Il s'agissait d'ailleurs de Zach l'artiste qui a fait ça très gentiment et gratuitement. Gratos. Pour une story. Merci Zach. De façon très sympa, il lui a limé la corne. Non, mais donc d'après les médecins, sa corne appelée corne sébacée est faite de kératine identique à celle trouvée dans les ongles des pieds et les cheveux. Donc en fait, c'est pas un os bizarre, c'est un truc, c'est comme un énorme ongle qui a poussé. Putain. Et les neurochirurgiens de l'hôpital de la ville de Sagar en Inde ont finalement pu retirer cette masse. Ah, c'est en Inde. C'est en Inde. Malgré la rareté du phénomène, plusieurs traitements existent. Ils peuvent inclure une chirurgie, une radiothérapie et une chimiothérapie. Ou un très gros coup ongle. Très très gros. Fait, clac, c'est bon. Est-ce que vous êtes déjà allé à l'hôpital pour des trucs chelous? Cette émission est préparée, c'est assez fou. Hein. Moi, j'ai eu une hernie testiculaire, par exemple. Lance, je le lance. Go. C'est quoi ce truc? C'est un truc en fait qui. Mais je l'ai eu gamin, ce qui est encore pire presque. C'est un truc qui te. C'est en dessous de l'estomac, un truc comme ça. Non, et en fait, ça veut dire des intestins. Des intestins. C'est ouais, les intestins qui te descendent dans les couilles. Exactement. Et en fait, ça te bloque les couilles. C'est-à-dire le regard d'un qui m'était. C'est hardcore. C'est-à-dire que tes couilles restent un peu en lévitation. Ah lourd. Très bonne ambiance. À la manière de Sandra Bullock dans Gravity. Tu vois, un petit peu en hauteur comme ça. Et ouais, tu dois te faire opérer. Alors, je sais plus quelles complications ça entraîne, mais je sais que les médecins étaient vraiment genre d'énormes couilles. Oui, c'est ça. Non, mais ça c'est vrai. Non, mais les gens qui ne soignent pas une hernie testiculaire. Les intestins descendent de plus c'est en ça. Plus. Mais moi je te dis, c'était pas testiculaire, c'était dans l'aine. C'était un truc. Pas l'aine, pas la région. Hein. C'était un truc testiculaire. Mais oui, ça doit être ça. T'avais les intestins. J'avais des grosses couilles. Voilà. J'avais deux énormes couilles. Et voilà. Non mais voilà, donc c'est un truc que j'ai passé quand même 4 jours à l'hosto. Hein. Quand t'es gamin, c'est en un fait, truc. En fait, ils t'ont ouvert et t'ont recousu. Ouais. Et j'ai encore la cicatrice d'ailleurs. Ah ouais. Mais ouais, mais vraiment, ils t'endorment complètement et tout. On peut voir. Ouais, je vais vous montrer ma bite, mais pas tout de suite. Ces couilles sont toujours énormes. Hein. C'est un régal. Mes couilles, c'est un régal. Sur lafourchette.com. Et là, récemment, moi, c'est opération du pied. Ouais. Je me suis fait couper un ongle incarné que j'avais laissé traîner pendant 5 ans. Sur le front, par contre. Sur le front. Donc une vraie tannée. En Inde. En Inde, exactement. Donc une vraie tannée. Non, moi, des trucs relous, j'ai jamais eu. Il y a un truc qui m'a fait. J'ai eu peur quand même. J'ai eu peur, c'est que ma femme, elle s'est brûlée à l'eau bouillante. Ah. Et là, par contre, c'est flippant. Ouais. Ah ouais. Mais j'avais très. En fait, c'était bizarre parce qu'en plus, quand on arrive à l'hôpital, bah déjà, en fait, tu sais, j'étais sur scène. Et en sortant de scène, tu sais, je jouais dans une cave un peu chelou. Et en sortant de scène, je reçois, tu sais, au moins une quinzaine d'appels en absence de ma petite femme, quoi, tu vois. Donc quand elle me rappelle. Jamais bon signe ça. Ouais, c'est pas bon signe du t'as tout. T'as peur déjà tout de suite. Ouais, ouais. Tu te dis, il se passe un truc. Ah, je voulais dire que tout va bien. Ça n'arrivera jamais ça. C'était super important pour moi de te le dire. On est si heureux. Ouais, mais dis-toi, le truc qui se passe, c'est que en fait, c'est un mec qui me répond. Je me dis merde, elle va m'annoncer une séparation. Enfin, tu vois, c'est le mec. Et en fait, non, c'est le pompier. Ouais, votre femme, c'est brûlée à l'eau bouillante. Il faut absolument que vous venez rejoindre à l'hôpital. Bon, la panique totale. En fait, elle s'est vraiment brûlée, mais de partout. C'était horrible, quoi, tu vois. Ça a failli toucher les parties un peu. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois, on arrive vraiment. Ah ouais, en plus, on arrive à l'hôpital, les infirmiers, tout le monde était dehors. Je dis putain, mais y'a personne qui bosse, et comment ça se passe? Enfin bref, là tout va bien, mais en tout cas j'ai vraiment eu peur. Ouais. Au bouillant de. Bah, on va bouffer. Elle faisait des pâtes. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, ouais, tu sais, au moment de. Dans le footlow, oui, dans le. T'as tous les mots, frérot. je sais pas. Faire bouillir l'eau, je sais pas non, ce que tu veux dire. Ah, mais genre, elle a pris la casserole et s'est cassé. Ah oui, et saurer les pâtes. Ouais, je suis un mec. Écoutez. Est-ce que j'ai un excellent vocabulaire? Écoutez. Voilà. La passoire, quoi. La passoire, ouais. La passoire. C'était pas un mot si compliqué. C'était pas si compliqué que ça. On est fatigué. Au bout d'un moment, c'est la fin de la semaine. Merci à tous. Insaf. Moi, j'ai eu. Alors, je déteste me plaindre. Je déteste l'hôpital, donc j'essaie vraiment. D'y aller que quand vraiment ça devient chelou. Et je me souviens, je vais avoir 17 ans et j'avais des maux à l'estomac. Et donc je vais chez le médecin une première fois, il me prescrit des trucs. Ça passe pas, mais c'était, ça me faisait pas mal, mais je sentais que c'était chelou. Donc au bout d'un moment, il me dit, bah, tu vas faire une endoscopie, je crois. Ouais. D'accord. C'est en gros, t'as un tuyau qui te rentre par la bouche directement. C'est ça, elle a même pas dit par où, que déjà tu faisais, oh là là. Mais peu importe par où il rentre, tu veux. Oh là là, quoi qu'il arrive. Et il te demande d'y aller à jeun. Donc 24 heures avant, t'arrêtes de manger et tout ça. Et c'était la pire chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait mal. Non, non, l'endoscopie, tu veux dire. Ouais. T'es conscient. Enfin, t'es réveillé. Non, non, non. Ah non. Ouais, non, tu peux pas, je crois. Tu peux pas parce qu'il faut que tu vois les trucs qui fonctionnent à l'intérieur et tout. Donc en fait, ils te disent, bah, ouvre la bouche, ils te font passer un tuyau qui a la largeur d'une paille, mais qui est très long. Et en fait, j'ai commencé à me débattre dans tous les sens, à roter. Tu rotes énormément. Parce que t'as ce truc, en fait, enfin. Bête d'ambiance. Et tu sens vraiment ce fil rentrer dans ta gorge, arriver, tu sais pas où, mais il est là. T'as la caméra en même temps. Et tu le sens quand il est en bas ou tu... Non, enfin, tu le sens qu'à la gorge. C'est ça, et après, vraiment, tu sens plus rien après. Ouais, c'est ça. T'as vomi, tant mieux. Ouais. Non, alors j'ai pas vomi parce que j'avais rien mangé. Mais par contre, c'est pour ça. Ouais. Non, mais c'est pour voir à l'intérieur aussi. Ah oui, si genre t'as plein de trucs partout, tu fais bon bah, on voit rien. Il y a vraiment un kebab. Et non, et donc c'était la pire chose, ils ont rien vu. Mais vraiment, j'avais l'impression d'être. Et du coup, t'as fait quoi? J'avais rien. Non, ils se sont dit, c'est peut-être un ulcère, c'est peut-être quelque chose, on va vérifier. T'as bien fait. J'avais rien, et même là aujourd'hui, de temps en temmps, je le ressens, je dis rien. Plus jamais, c'est plus jamais ça. Ouais. Moi, il est arrivé un truc un peu similaire à un pote à moi. Je le dirai, tu sais bien. Mais je crois que je l'avais déjà raconté, mais je vais dire vite fait. On s'en fout, en gros, il avait des problèmes. En fait, il avait pissé du sang. Ah oui, ça c'est hardcore. Ouais. Et donc, on lui a dit faut prendre rendez-vous avec un néphrologue, qui est le médecin qui s'occupe des reins. Et il a appelé l'hôpital pour dire je voudrais prendre rendez-vous avec un néphrologue. Et la meuf du standard a dit. Oui, mais attendez, qu'est-ce que... C'est une secrétaire, hein, c'est pas, elle est pas un médecin. Elle dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, bah j'ai eu du sang dans l'urine et tout. Elle fait, non, non, non, mais faut voir un urologue. Il dit, bah le médecin m'a dit un néphrologue. Elle fait, non, non, non, non, c'est un urologue. Donc il a dit, ouais, mais moi vraiment il m'a dit un néphrologue. Elle fait, bon, écoutez, je vous mets un rendez-vous avec un néphrologue, mais quand même, je vous mets un urologue aussi. Donc il a fait, bon, ok. Il est allé chez l'urologue, parce que en plus le rendez-vous chez l'urologue était en premier. Il y est allé. Le mec lui a dit donc qu'est-ce qui se passe? Il a fait bah j'avais du sang dans l'urine. Et le mec il a fait bah faut voir un néphrologue pour ça. Il a fait bah ouais je sais. Il fait bon bah écoutez bon, bah, vu que vous êtes là 40 et tout, euros non non et il a dit bon bah écoutez vu que vous êtes là. Et il lui a mis une sonde urinaire. Oh, non, et bah, ça il paraît que c'est oh, c'est-à-dire que c'est pas une paille là pour le coup. Oh, apparemment là. c'est vraiment gros. Et ça bah, bah ça passe, c'est par l'urètre quoi. C'est un tuyau d'arrosage. Et il m'a dit la pire chose de ma vie. Et surtout, il a enlevé le truc et il a dit oui bah ça, effectivement ça servait à rien. Fallait aller voir un néphrologue. Donc c'est juste la meuf du standard qui a dit non vous. qui travaillait dans le bureau du néphrologue justement. Ouais à l'hôpital, la meuf du téléphone. Ouais, super. Non parce que ouais c'était à l'hôpital tu vois. Donc la meuf elle gérait tous les rendez-vous et elle a dit non bah c'est plutôt ça. Et pire expérience de sa vie. Pauvre pote. Peut-être un avis Michel Sardou sur cette femme. J'ai une Sardou box que j'utilise de temps à autre. Voilà, je l'aime bien. Un homme de 38 ans donc a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur un objet en particulier. À votre avis, lequel? Sur un objet, c'est possible ça? Ouais. Une statue? Non. Ça aurait pu. C'était une bonne idée. Est-ce que c'est un objet qui représente un être humain? Non. Waouh. D'accord. Un objet public? Ouais, après je vous rappelle que les titres des articles sont un peu putaclic, donc c'est plus s'il s'est retrouvé en tôle en ayant fait ça. Ouais, mais il s'est branlé devant un objet quoi. C'est pas vraiment une agression. Est-ce qu'on peut vraiment agresser sexuellement un objet? Voilà, c'est un débat qu'on va ouvrir tout de suite jusqu'à 23h. On prend vos appels. C'était en public. Bon. Ah bah oui donc il a agressé sexuellement tous les gens qui l'ont vu en fait. Ouais, c'est ça le truc. Poubelle. Non, hein, non, c'est également un logo d'une marque un peu connue d'informatique. Enfin, en informatique. Une pomme dans le cul. Le mec, il avait. Putain, c'est ma pomme. C'était pour ma pause déj. Le poster là avec tous les ouvriers qui sont assis en haut d'un building là. Il y en a un qui a pas de pomme, bah voilà. C'est ça l'histoire maintenant. Et c'est pas ce tableau là non plus qui est foutu dans un cul. Non. Alors attends. Pour résumer, c'est des mecs qui tapent dans la rue. C'est ça? C'est ça. Des ouvriers, ouais. Des ouvriers. Un gilet jaune. Non. Mais donc attends, c'est le logo d'une marque d'informatique. D'un truc que tu trouves sur ton ordinateur. Que tu trouves sur ton ouais. Un écran, non, un logo d'une oui, non, mais... d'un logiciel. Ah, d'un logiciel. Un logo d'un logiciel. Un logo d'un logiciel. Un logo. Si sur le chantier logo à votre avis. Ah, une Ouais, il nous fait... Là, il mime. Hein, bah, pour, les auditeurs. Pour, Le mime était chelou, j'ai pas capté. J'ai fait un peu de triangle. Un triangle, une truelle. Non, c'est un cône, tout simplement. Ah, bien sûr. Et oui, ah ben oui, tout bêtement, il s'est mis un cône dans le cul. Voilà, ni plus ni moins. Alors l'homme transitoire a plaidé coupable, hein, il a assumé devant le juge. Oui, hein. Oui. Il a absolument. Dit, aucun sous. Pas de problème. Il a eu une relation sexuelle avec un cône en plastique dans la gare de Wigan, donc dans une gare. Hein. Le 14 avril dernier, l'homme était aperçu dans un ascenseur avec le pantalon et le caleçon au niveau des chevilles. Oh merde. Voilà, ce sont des personnes traversant la gare qui, l'apercevant, ont prévenu la police. L'homme était ivre au moment des faits, présentait de la poudre blanche au niveau du nez, malheureusement. Ah, oui, les policiers ont d'abord cru qu'il s'agissait de cocaïne, mais un rapport toxicologique a répondu qu'il s'agissait d'un produit inoffensif. Donc on ne sait pas ce que c'est. De la farine. Tout simplement. Wow. L'accusé a expliqué être dépressif. Ça, j'aime bien. On gère tous sa dépression à sa manière. Comme on peut. Je mets du temps à prendre ma douche, je reste un peu longtemps. Un cône dans le cul directement quand même. Moi, j'écoute TLC, il y en a, ils mettent des cônes dans leur cul. VLC, là, du coup. C'est... Oh, pas le petit. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est que. Bah, c'est qu'il. Ouais. Non, mais c'est plutôt de se mettre un truc dans la rue que tu trouves dans la rue dans le cul, quoi. Ça qu'il a pas lavé. Ouais. Voilà. Peut-être, remarque, il a peut-être mis du gel hydroalcoolique. Oui, c'est ce que je ferais, moi. C'est ce que j'aurais fait. Si tu t'étais mis un cône dans le cul, tu veux dire. Bien sûr. En tout cas, c'est un conseil que tu peux donner aux auditeurs, en tout cas. Oui, voilà. Ouais, si vous voulez mettre des trucs dans le cul, peut-être un peu de gel hydroalcoolique. Il demandait des conseils pour la dépression, tu disais. Bah voilà. Qu'est-ce Lan Tiven? Parce qu'on a des fois une petite rubrique dans cette émission. Tu n'étais pas là d'ailleurs, Adrien, la dernière fois qu'on l'a faite. Mais nous avons une actualité. Pour moi, c'est Black Mirror. Non, pas du tout. Pardon. Mais c'est une actualité ville d'Autun. C'est l'actu d'Autun. Mais j'étais là. C'est l'actu d'Autun. C'était avec Yacine et Ludo. Le bus et Charlet. C'est vraiment la fête. C'est l'actu d'Autun. C'est l'actu d'Autun. S'il vous plaît, monsieur le maire, ne mets le rond-point. Voilà. Alors, pour vous expliquer l'actu d'Autun, c'est-à-dire que le maire de ma ville, qui est. De naissance. Ma ville de naissance, très bien sûr. Maintenant, je ville de cœur, c'est Paname, Paname All-Star. très très bonne chanson de Sniper. Voilà, je vous invite à l'écouter. Nous parle beaucoup sur Twitter, et nous, voilà, et parce qu'on le chicane un peu, et donc du coup, voilà, il répond. Tout simplement. Voilà. Et de temps en temps, on parle de l'actualité de la ville. Et là, un homme, il s'est passé quelque chose. Un cambrioleur a été retrouvé suite à son larcin dans la ville d'Autun. À votre avis, de quelle manière? Larcin dans la ville d'Autun, qui est un film de Max Pécasse, qui est une enquête de San Antonio, pas ouf. Ouais. Donc le mec, il a cambriolé. Il y a eu un cambriolage à Autun. Et il s'est fait. Et il s'est fait griller. Pour une raison un peu de débilos. Il avait un cône dans le cul. Dans le cul. Et du coup, visible à 16 mètres. Comment il s'est fait griller? D'une façon très très bête. Oh merde. Il a fait une story. Non. Bah, ça aurait été très bête. Ça aurait été très bête. Il a répondu au téléphone pendant le cambriolage. en faisant la voix. Oui. Il s'est endormi sur place. Non. Non, il s'est enfermé. Non, non. Pas enfermé. Il a changé le verrou. Il s'est installé dans la maison. Il a été chopé après, en tout cas. Après. Il a été chopé sur le moment. Ah, ouais. Il a été chopé après. Tout de suite après ou un jour après? Un petit peu de temps après. D'accord. Donc parce c'est qu'il a fait une connerie pendant le truc et voilà. Il a mis en vente les trucs qu'il a volés. Est-ce que ça a un rapport avec Internet? Ça n'a aucun rapport avec Internet. Okay. Je te rappelle qu'on parle de la ville d'Autun. Internet est arrivé en 2013, bien que notre maire soit hashtag geek. Hein, voilà. Il s'est pris en photo avec un appareil sur place. Non, mais pas mal. Non. Non, mais ça aurait été stylé. Truc de caméra de surveillance, non? Non, pas du tout, encore une fois. Des empreintes Pas d'empreintes, non. Oh. Ouais, c'est... Les experts Autun, d'ailleurs, après Miami et Las Vegas. Non, un truc très très bête. Merde. Qu'il a fait lui. Ouais. Qu'il a peut-être même oublié. Il a oublié sa bagnole ou non? T'es pas loin. Son vélo. Pas loin. Sa moto. Non. Ses papiers. Son bateau. Son portefeuille. Ses papiers. En vérité. Bravo. On dirait. Ouais. ça c'est joli ça. Ça c'est beau. Ça c'est joli. Pourquoi il les a sortis ces papiers déjà? Alors écoute, je te raconte l'histoire telle qu'elle est dans le bien public. Tout commence le 2 juin dernier lorsqu'un couple se rend à la brigade de gendarmerie d'Autun pour déposer plainte pour le cambriolage de leur maison. Sur place, les victimes du cambriolage retrouvent des papiers d'identité laissés là. Donc ce qui est quand même une vraie aide hein, quand tu te fais cambrioler, d'avoir le nom et prénom et adresse et plein de choses de ton cambrioleur. Les gendarmes de la brigade d'Autun constatent alors le vol par effraction de la mobilette. Les militaires contactent aussi le voleur présumé pour lui signaler que ses documents d'identité ont été trouvés et rapportés à la brigade. Sans lui dire, on les a vus sur là où t'as cambriolé. Il dit juste on a retrouvé vos papiers. Ce dernier se présente de lui-même à la gendarmerie pour les récupérer. Ah ouais, donc il déclare à ce moment. Il s'est passé les menottes lui-même. Il est... j'y vais. Il déclare à ce moment ne pas savoir où il les a perdus. Oh, je sais pas où je les ai. Et placé en garde à vue, le voleur a d'abord nié les faits avant, bah oui, de passer aux aveux. Il a reconnu avoir commis le cambriolage et avoir perdu ses papiers à ce moment-là. Bravo. Lorsque les enquêteurs ont demandé à l'individu où se trouvait la mobilette volée, il a indiqué qu'elle lui avait été dérobée. Donc on lui avait piqué le scooter qu'il avait piqué. Ouais. L'homme sera convoqué prochainement au tribunal pour répondre de ses actes. Oh, bravo. Voilà. Franchement, c'est joli. Cambriolage, toi, tu as vécu, Hakim, des Ouais, deux fois en deux ans. Un par an, je suis habitué, maintenant je suis bien. Voilà. Ils reviennent, apparemment, ils aiment bien revenir deux, trois semaines après. Même ah ouais pour revoler ce que tu as racheté neuf en fait. Ah putain. Deux, trois semaines après enfin, t'as des infos précises toi. Non mais c'est vrai, c'est horrible hein, les gars. C'est pas... la première fois j'ai vécu ça un peu, c'était relou, vraiment très relou. Ouais, bah oui. Mais la deuxième fois, franchement, je l'ai bien pris. Je te jure, ça y est, maintenant je me dis, bon bah écoute, de toute façon, on n'est plus à ça près quoi. J'attends de me barrer, voilà quoi. Tu t'es fait tirer quoi la première fois si c'est pas un oh, la première fois, ils m'ont tout tiré. La vérité est la. Oh là là. La première fois, en fait, ils ont déglingué mon appartement. Ah, ils ont tout pété. Ah, c'est un mec qui. Je pense que c'est un mec qui m'en voulait personnellement. Ah, je te jure, je suis arrivé, c'était tout était contre le mur, les meubles, ils ont pété les meubles, ils ont volé mon chocolat, le bâtard. Du chocolat que ma mère nous avait offert, tu sais. Et je te jure, ils ont pris le chocolat. J'ai dit quand même là. Tu sais, comme le Père Noël. Respectez-nous. À Noël, oh, il a mangé le Kinder Bueno. Ouais, voilà, c'est pareil. Ils ont tout volé, c'est simple, tout. Les ordi, il y avait de l'argent un peu en liquide, ils ont tout pris. Oh là là. Tout pris. Donc ils ont tout fouillé. Ils ont tout fouillé. Ils ont et t'avais pas de voisin? Bah écoute, alors c'est ça que je te jure, c'est quoi? Dès que je mets un peu de musique un peu forte chez moi, les voisins ils montent, ouais, c'est un peu trop fort. Mais par contre, quand il y a un appartement qui se fait déglinguer, on n'était pas là, on n'a pas entendu. Deux fois de suite, ça m'arrive pas, c'est horrible hein, quand même. Je veux pas tirer un peu le fil de l'enquête, mais bon, tes voisins sont les voleurs. J'en ai bien l'impression aussi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un complot de tout l'immeuble, tu sais. Qui va, je sais pas, c'est comme tu barres, ça. En fait. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, je vais me barrer de toute façon, ça y est, les gars. Là. Donc là, t'as pas déménagé entre les deux? Non. Mais je vais déménager là, franchement, ça y est. Moi, je me suis fait aussi cambrioler quand je vivais à Lille-Saint-Denis. Mais là, pour le coup, c'est vraiment ma faute. Enfin, j'ai mérité, en vrai. Pourquoi? Bah, en fait, ce qui s'est. T'as laissé la porte ouverte? Bah, non, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire que. Alors, j'en voulais à l'époque aussi un peu. T'avais lancé le cambriolage challenge sur Facebook à l'époque. Ah, bah oui, c'est ça. Dit, exactement. Hey, personne n'est capable de. J'ai failli refaire la. Je vais un peu vite. En gros, donc, je vivais à Lille-Saint-Denis. Et je vivais à Lille-Saint-Denis quand Saint-Denis, c'était. Il y avait beaucoup les flics. Parce qu'en fait, c'était peu de temps après les attentats. Et il y avait un des gars de Saint-Denis qui vivait, enfin un des gars des attentats qui logeait à Saint-Denis, machin. Et donc, en fait, c'était très relou de vivre à Saint-Denis à ce moment-là parce que les flics venaient vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte. Bah, je pense que c'est Jawad, hein. Relou de vivre de tout le temps à Saint-Denis. Ouais, non, mais c'est ça. Mais disons que moi, j'y ai vécu 2 ans et demi et que t'as vu, enfin, c'était un vrai changement dans le quotidien. Ah ouais. Et bah, c'est bien normal, hein. Mais bon, bref, c'était vraiment chiant. Et quand même, pourtant, c'est ça que j'ai trouvé assez. C'est ça que j'ai dans ma tête. En vrai, je trouve que le cambrioleur a fait un truc très stylé. Et c'est vraiment. Il y a une audace quand même, je trouve. Alors qu'il y a des flics à tous les coins de rue de partir sur un cambriolage. Donc en fait, pour tout t'expliquer, en gros, mes colocs étaient un peu des circassiens, tu vois. Un petit peu des gens qui mettent des sarouels et qui aiment bien écouter de la musique et faire la fête. Et ils avaient fait une teuf la veille. Et le lendemain, ça puait un peu. Et moi, là où ils sont à la cool, moi, je suis vraiment un nazi. Du nettoyage, il faut que ce soit rangé, il faut que ça sente bon, je fume pas, je bois pas, donc en fait je suis très relou avec les odeurs. Donc je décide de tout nettoyer et j'aère de ouf tout l'appart en faisant le ménage. Et là où je dis que le gars est quand même, franchement, il mérite de m'avoir. Il m'a pas tout tiré, moi, il m'a piqué le Mac, l'iPad et un portefeuille quand même, voilà, parce que les trois trucs. Un peu relou, mais beaucoup moins horrible que toi. Quoi. Mais bref. C'est mérité. Mais du coup, et là où c'est mérité, là où je l'ai vraiment mérité, c'est qu'en fait il l'a fait. Quand j'étais dos à lui, c'est-à-dire qu'en fait, il est rentré dans ma chambre pendant que je passais l'aspirateur dans le salon. Ah, c'est beau. T'étais là en plus. Et donc j'étais dans la pièce et qu'en fait, donc je passe l'aspirateur, donc j'entends pas ce qui se passe. Le gars, en fait, je vivais pas vraiment au rez-de-chaussée. C'est pas vraiment le premier non plus. En fait, c'est genre il y avait une espèce de cour. Enfin bon, bref, fallait un peu escalader quand même pour rentrer. Donc ouais. Il a quand même fait un truc un peu stylé de gars qui arrive à escalader. Et il est rentré dans ma chambre. Il a pris les trucs. Et en fait, j'ai juste entendu un. Un mec qui saute dans la. Et ensuite des. Ah ouais. Un mec qui court. Ah ouais, il avait une darbuka et. C'est ça, c'était Bibi Pécoyote. Non mais donc, c'est ça. Et le mec a couru et juste le temps de regarder par la fenêtre, j'ai vu le gars prendre l'inter. Enfin, tu vois, prendre la rue avec mes trucs. Ah, c'est chaud. Et il commence à faire. Hey! Juste ça. Il est revenu. Il est revenu. Ferme ta gueule, connard. Non mais à un moment, je me dis, allez, vas-y, je le poursuis. L'île Saint-Denis, c'est quand même pas énorme et tout. Sauf que je me dis, bah faut que je ferme chacune des fenêtres et que je ferme à clé la porte, donc tout est très long. Et après, j'ai fait ce truc très nul. d'un gars à Saint-Denis qui est interpellé. Il fait, vous avez pas vu un mec courir avec un Mac et un iPad? Il fait, bah non. Bah si, plein. Lequel? Parce que donc le mec, t'as entendu, savait que t'étais là en fait. Ouais, en fait, parce qu'il entendait l'aspirateur. Mais c'est là où je le, franchement, respect. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis à deux doigts de dire bah. Non, bravo. Te plains pas. Ouais, ouais. En fait, et puis, enfin, il a. Et c'est ce que je dis, c'est que vu que j'ai des sous, moi je préfère, enfin, sans vouloir faire de l'extrême de, franchement, bon gars. Non, mais en vrai. Invite-le. Mais en vrai, il en a sûrement eu plus besoin que moi, tu vois. Mais en gros, il a quand même eu cette audace d'escalader, et je me dis vraiment, il aurait pu arriver et vraiment face à face avec moi, quoi. Enfin, tu vois, les fenêtres étaient ouvertes et j'étais dedans, quoi. Donc non, vraiment, belle audace de sa part. Et bah, s'il est là, je vais te donner le digicode de chez moi, c'est le 8204. vous avez jamais vécu, Adrien, Insaf? Moi, j'ai un souvenir de quand j'étais gamine. Mon père était parti... voler des gens. Non, il était parti, voir sa mère au bled. Donc j'étais ma mère et mes frères. Donc on était quatre. On était chez ma grand-mère et puis on rentre le soir et on arrive en fait et on voit un mot de la police. Alors je sais plus si c'était affiché ou si c'était à l'intérieur. Mais en gros, pour situer, c'est une maison qui est en hauteur. C'est à Bruxelles. Et il y a une grosse fenêtre, si tu l'ouvres, effectivement, tu arrives directement dans le salon. Mais c'est une époque où il n'y avait pas trop de vol ni rien. Et on est rentré, on a vu ce mot-là. Ma mère, directement, a commencé à pleurer en panique et tout. Le mot disait quoi, pardon, excuse-moi? Ça disait, c'était la police qui disait, vous avez été victime d'un cambriolage. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Veuillez appeler la police dès que vous rentrez. Bah bravo les mecs. Voilà. Donc en gros, les flics étaient passés. Avait constaté, donc je pense qu'un voisin avait signalé ou je sais pas trop, les flics sont arrivés, il y avait personne, donc ils ont laissé un mot. Et je me souviens juste de, on rentre. C'est bizarre ça quand même, non? Enfin, je sais pas, continue, excuse-moi. On rentre, effectivement c'est un peu le bordel, mais c'est pas un gros cambriolage. Je crois que les mecs sont vraiment restés 3 minutes, il y avait 2-3 bijoux par terre. Et par contre je me souviens du, bah tu sais pas s'ils sont encore là, enfin t'as aucune notion ouais, du temps. Ouais, ouais, ouais. Et là, ils sont encore là alors que les flics sont passés, les mecs sont très mauvaise police. Très très fort. Ouais, ouais. Ou très mauvais flics. Ouais. Et j'ai mon frère qui nous dit, en fait, parce que ma mère était complètement en panique, qui dit à mon frère jumeau et moi, bah, Insef, tu vas aller voir la cave, Monsef, tu vas à l'étage et moi je vais tout en haut. Je lui dis, mais. La cave, le meilleur endroit. Ouais. Bien la daronne. Voilà. Mais ma daronne, elle était en panique, elle savait rien. Ah donc... oui, tu m'étonnes. Je dis à mon frère, mais jamais je vais. Enfin, non! Il était dit, oui, non, mais tiens, prends ce gun. Non, mais attends. J'ai 16 ans, hein. J'ai 16 ans, laisse-moi tranquille. Mais c'était un peu en mode, allez, on va chacun constater ce qui s'est passé avant d'appeler les flics. J'ai fait, mais jamais de ma vie, non, je reste avec vous toute la nuit, quoi. Il a fait un mauvais move de film d'horreur. Genre, bon, ok, on se sépare. Ah, ben complètement. On se sépare, c'est la meilleure chose. Et t'y es pas allé, du coup? Ah non, mais personne n'a rien fait. Je lui ai dit, mais t'es complètement con. On va rester dans ce couloir là, à l'entrée, on va appeler les flics. Ah oui, oui. Pour revenir. Moi j'avais un truc aussi, j'ai failli filer mes clés à un gars quand j'étais petit. Ouais, bon là. Non, mais là. Tu cherches la merde toi aussi. Ouais. Non, mais c'est un gars qui disait, mais parce que j'étais petit, j'avais vraiment 13 ans, 12 ans, et moi, mais enfin, tu sais, je suis dans une ville de campagnards, donc ils me foutent. J'étais beaucoup tout seul dans ma maison, tu vois. Et il y a un gars qui vient, il fait, ouais, bonjour, tes parents ils sont pas là? Et moi, en fait, mes parents, enfin, je pense que c'est plein d'enfants, mais ils te disent, prends garde aux pédophiles, mais pas forcément aux voleurs de ta maison. Enfin, ils sont très sur la pédophilie, les parents. Tu vois, il y a vraiment un truc, dès qu'il y a un adulte qui te parle, il veut te ken, tu vois. Ouais. Bon, bref. Et je fais, non, mais j'ouvre pas. Et il dit, ben non, mais c'est juste, voilà, en fait, je me présente, je suis réparateur de toiture, machin et tout, et j'aimerais réparer parce que là, c'est pas droit, t'as pas un double des clés. Et j'ai fait, bah si, mais je suis pas sûr. Bah j'appelle mon papa. Et je suis allé l'appeler. Mon papa il dit, c'est un voleur. Et donc du coup quand t'es enfant d'un coup, un gars viteuf devient un tueur. Enfin c'est pour toi c'est pas un voleur. C'est un mec qui peut t'assassiner. Et heureusement quand je suis revenu, je fais, bah mon papa il m'a dit qu'il allait arriver. Et je fais, non bah je repasserai. Je repasserai. Mais voilà. Oh, et apparemment c'était un truc assez commun. Des mecs qui sont passés pour des gens, ils font ça avec des vieilles apparemment. Genre je vais réparer votre toiture, je vais couper votre jardin, vous n'avez pas les clés du garage ou une connerie comme ça. Et en fait après ils viennent tirer des trucs. Ouais. Mais cela dit, c'est fou de... Enfin tu donnes pas tes... Qui kiffe voir un truc, je vais vous le réparer gratos. Ouais mais tu sais, je suis une vieille dame. Ouais moi, mais oui des gens, oui je comprends, c'est horrible. Mais c'est fou que ça marche quoi. Mais moi à un moment j'écrivais un projet de série sur un mec, un arnaqueur. Et, y avait, et du coup je m'étais beaucoup renseigné sur les arnaques de vieilles. pas parce que j'arnaquais les vieilles, vraiment pour un projet. Oui, bien sûr. Et, ouais. Et un truc qui marchait vachement bien apparemment, c'est un mec qui appelait et qui disait « Ouais, bonjour, machin, j'ai besoin de votre code, machin et tout. » Et donc les vieux disaient « Bah, je donne pas mon code comme ça. » Il fait « Ok, ok, bah, franchement... Ah, » bah, c'est le truc... C'est le truc, oui, c'est ça qu'on en a parlé avec toi. Ah, ouais. Et c'était genre « Bah, ok, rappelez tout de suite, appelez votre banque, allez-y, allez-y. » Oui, oui, en gros, le truc, c'est que les mecs profitaient d'un défaut sur les lignes filaires, enfin, les lignes fixes. C'est téléphone gros, fixe. En gros, les vieux, ils étaient en panique. Donc, en gros, ils raccrochaient, ils redécrochaient tout de suite pour appeler leur banque. Et en fait, si tu ne laissais pas ton téléphone raccrocher un certain plus de 3 temps, secondes, un truc comme ça, en fait, ça ne raccrochait pas. Donc le mec, il était toujours au bout du fil, il composait le numéro de la banque. Quelle belle technique. Et après, non, je crois que c'était les keufs, je crois. C'était un truc du genre. Ouais, et ou après, appeler les keufs, tu vois. Ou appeler la banque, oui, c'est ça. Et non, oui, il disait votre code a été. Votre carte. Votre compte a été piraté, un truc comme ça. C'est ça, pardon. Il faut absolument que vous appeliez les flics tout de suite. Du coup, les vieux, ils étaient en panique, ils raccrochaient, ils redécrochaient tout de suite, ils appelaient les flics. Et le mec, après, était toujours en ligne et se faisait passer pour les flics. Il disait attendez, on va vérifier, donnez-moi votre code, machin, etc. Les vieux, ils donnaient tout. Ah. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient avec les keufs. Et c'était un gars qui avait arnaqué des vieux comme ça, qui s'était fait choper. Et il continuait à le faire de la prison. Je crois que c'était ça le truc. Bah bravo. Non, c'est ça. C'est qu'après, en fait, ouais, c'est ça exactement. Il avait tout un réseau depuis la prison où il continuait à arnaquer les vieux. Et c'était à des centaines de milliers d'euros, quoi. C'était vraiment une arnaque de malade mental. Mais là, il a joué les trois rôles. Il jouait deux rôles, flic et banque. Très chaud, très très chaud. Et de temps en temps, Depardieu, mais c'était dans. C'était voilà, rigolé, ça. Voilà, c'est quoi, voilà, c'est ça. Il faisait des canulars téléphoniques avec Coé. Il appelait des gens. Voilà, bah, écoutez, les amis, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions à vous poser parce qu'en fait, j'ai annoncé aux auditeurs que vous étiez là et les gens se posent des questions. Par exemple, Hakim. Oui. On a vu la personne qui pose la question, j'ai vu des stories dans lesquelles tu jouais dans un film avec Michel Blanc. Ouais. Est-ce que tu as le droit de nous en dire un peu plus? Oui, oui, oui, je peux. Bah écoutez, ouais, le film il sort le 11 décembre. Voilà. Combien? Donc, je crois que c'est la première fois que je le dis là. Wow. Ouais. Tu me dis, hein, t'as le droit de le dire ou pas? Ouais, s'il y a des trucs où t'as pas le droit, n'hésite pas à demander, je peux couper entre temps. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit. Non, non, on commence la tournée promo là le mois prochain. Trop bien. C'est vraiment, vraiment cool. Je peux te dire le pitch même si tu veux. Ah bah je t'en supplie. Ouais, c'est Michel. En fait, c'est Michel Blanc et moi qui partageons l'affiche. En gros, Michel Blanc, c'est un médecin de nuit. Il joue un SOS médecin, tu sais, la nuit du 24 décembre. Il a une vie un peu nulle, tu vois. Il a perdu son fils. L'année d'avant, et en fait, c'est un peu le seul mec qui a travaillé ce soir-là, il n'a pas trop de famille, et puis moi, je suis livreur Deliveroo. D'accord. Et il s'avère, en fait, pour t'affaire assez rapide, c'est qu'au fur et à mesure de la soirée, je vais me retrouver à faire ses consultations à sa place. D'accord. Voilà, c'est plus ou moins ça le truc. Trop bien. Ouais, franchement. Donc comédie. Comédie, 100%, ouais. Ouais. Et c'est écrit par Michel Blanc ou non, c'est avec lui mais... Ouais, c'est avec Michel Blanc, mais c'est écrit par Tristan Seguela et son co-auteur, Jim. Voilà, donc magnifique. Trop bien. Ouais, j'ai hâte que vous voyez ça, les gars. Bah, avec plaisir. Attends, c'était quand la dernière fois qu'il y a eu. Enfin, Michel Blanc, ça fait un moment qu'on l'a pas. Bah, il a fait Aladdin, c'était le dernier gros gros truc où on l'a vu. Et il a réalisé son film l'année dernière aussi. C'est ça, il a fait la suite de Embrasser qui vous voudrez. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça s'appelait. Voyez comment on danse. Voyez comment on danse. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est juste une sorte. C'est une sorte absolue. Les bronzés font du ski, Adrien. Est-ce que tu vois? Les bronzés 3, c'était le dernier truc. Insaf, comment se passe au quotidien d'un community manager? Quelqu'un qui demande ça. Comment, en tant que freelance du community management, comment se passe ta journée? Alors, ça dépend du client. Mais globalement, tu passes beaucoup de temps sur Twitter, sur Insta. Tu lis beaucoup, tu fais beaucoup de veille. Et puis, alors, qu'est-ce que de la veille, par exemple? De la veille, bah, c'est par exemple Monoprix. Tu vas taper Monoprix sur Twitter pour voir ce qu'on dit sur la marque, s'il y a moyen de rebondir dessus, s'il y a moyen de faire des trucs. Ouais. Pour créer du buzz. Insaf, créatrice de buzz, on peut le dire. Hein, et voilà, et puis en général, bah, ça dépend. T'as des missions déjà que tu dois faire. Moi, je suis assez couteau suisse, donc souvent, s'il y a un montage Photoshop ou vidéo à faire, c'est moi qui vais le faire, donc ça me prend un peu de temps. Même montage vidéo, tu fais du montage vidéo aussi? Ouais, un petit peu. J'essaye vraiment de me démerder par moi-même. Et voilà, mais globalement, tu passes ta journée sur ton téléphone ou sur Internet. Mais il y a aussi un truc t'as le droit, en fait. Mais il y a aussi un truc créatif. Y a un truc créatif. Bah, chez Golden Moustache, c'était le... Pour parler de Golden, j'arrivais le matin Et je regardais l'actu, je regardais sur quoi est-ce que je pouvais faire un post, vidéo, photo ou quoi, pour faire du buzz. Okay. Voilà. Et donc c'était souvent, quand il y avait de l'actu, on cherchait une parodie un peu cheap à faire ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, faut que t'aies l'idée, ensuite faut que tu l'écrives, que tu le montes, que tu... Enfin, que tu le tournes, que tu le montes, et puis tu publies. C'est ça, le côté couteau suisse, c'est exactement ça, quoi. Voilà. C'est ça. Adrien Méniel. Oui. Tu as parlé, je suis désolé, c'est... J'ai l'impression que c'est des auditeurs qui foutent la pression sur des trucs et je suis vraiment désolé, je sais que tu es des fois un peu hermétique à ça, mais les gens, parfois, je sais pas ce qu'ils vont dire. Ton one man show. Non, pas du tout, il sait que je le lance plus là-dessus. Non, c'est la bande dessinée. C'est-à-dire que les gens demandent si, parce que tu avais parlé d'un moment que tu voulais potentiellement... Ça n'a pas avancé du tout. Voilà. Non, mais est-ce que l'envie est quand même toujours présente? Ouais, j'y repensais encore tout à l'heure là. Tu vois. Mais ouais, l'envie, oui, mais... Bah, faudra que. On va voir ça, nous. Non, mais oui. Parce que rappelons-le, comme je disais, si vous venez d'arriver, c'est que effectivement, tu as fait de la bande dessinée. Moi, j'étais même connu en vrai par la bande dessinée. C'était mon métier avant de faire tout ça. Et j'ai la moitié d'un album de strip qui est écrit, quoi. Et j'aimerais bien écrire l'autre moitié. Mais en fait, c'était cet été, je crois. J'ai relu ce que j'avais écrit à l'époque. Et généralement, on relit ces vieux trucs et on se dit, c'est de la merde. En fait, c'est l'inverse là. J'arriverai pas à écrire des trucs aussi bien maintenant, quoi. Je me dis, c'est quoi ce truc? Ça t'a un peu déprimé. Je me dis, je sais pas, c'est l'âge ou quoi, tu vois. Je disais, putain, mais merde, c'est vachement mieux, j'ai l'impression, que ce que je fais maintenant, quoi. J'ai tout brûlé. Mais tu fais le prochain Astérix. Le scénario seulement. Voilà, c'est ça. Hakim, comment ça se passe de travailler sur Click, de faire autant de programmes courts dans cette émission? Comment tu articules ton quotidien? On parle de H et F, c'est ça le titre. Ouais, bah écoute, c'est beaucoup d'écriture. On lit beaucoup les actus là, d'où le... Tu savais le truc de la joie. Le truc de la joie là. On vous enseigne beaucoup, on écrit beaucoup. Et puis en fait, on tourne tous les vendredis, si tu l'avais été. Tous les vendredis, on en tourne 5. Et vous faites la semaine du coup. Et voilà, on fait la semaine, tout simplement. On essaie d'en tourner 6, histoire d'avoir un épisode d'avance quand même. Au cas où il y en a un qui est foireux, parce que ça peut arriver, comme je le sais, hein, ça peut arriver souvent. Ah bah après, il y a le montage. Après, il y a le montage. Donc c'est compliqué. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'articule. C'est un peu compliqué, c'est beaucoup de travail, mais en tout cas, on prend beaucoup de plaisir aussi. C'est ça. J'ai l'impression d'être un footballeur après un match de foot. et si c'est pas indiscret, de bosser avec sa meuf, est-ce que ça facilite? Est-ce que ça peut rendre le truc plus compliqué ou... Moi personnellement, je kiffe de fou. Ouais. Ouais, c'est un plaisir de malade. Enfin, tu sais, moi qui justement me plaignis de pas passer assez de temps avec elle. Ouais. Et voilà, c'est un plaisir monumental d'être tout le temps avec elle. C'est magnifique. Oui, parce qu'elle est aussi auteure, comédienne. Bien sûr, bien sûr. Elle fait de la scène aussi d'ailleurs. Elle fait de la scène. Exactement. Effectivement, donc c'est extraordinaire. Et vous écrivez tous les deux dessus? Ouais, on écrit tous les deux dessus, évidemment. Ouais. Trop bien. Vous avez d'autres auteurs ou vous êtes fait tout? Ouais, on a d'autres mecs avec qui on écrit, évidemment. Trop bien. Ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Mouloud aussi qui met sa petite patte. C'est vachement bien, moi. Moi, j'ai regardé je regarde pas tous les jours, mais quand je vais au sport, ce qui n'est pas si souvent. Mais quand j'y vais, en tout cas, je regarde Click et c'est vraiment cool. Franchement, mais vraiment bien. Je trouve ça mortel ce qu'arrive à faire Mouloud Achour sur Canal. Peu de gens pour avoir été un peu dans la maison, tu vois. C'était une volonté depuis longtemps de vouloir. C'est ce qui se rapproche le plus de Nulle Part Ailleurs, je trouve, en fait, de cette volonté de mettre et des jeunes humoristes qui font des trucs, et un ton jeune, et un ton en même temps qui accueille les gens et tout. Si lui n'y arrive pas, je vois pas qui arriverait à faire un accès sur Canal. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça. Je trouve que c'est un gros affaire, Mouloud. Ouais. Il s'arrête pas, c'est incroyable. Et c'est un truc de malade, parce que moi je voyais des stories genre cet été. Ouais. Et j'étais là genre ok, il prépare son émission, trop cool. Et en fait non, il faisait un film. On tournait son film. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en même temps de préparer une émission sur Canal avec les mêmes gars plus ou moins. Il est trop chaud. Il tournait un film. Ouais. Incroyable. Mais ça, j'ai hâte de voir en plus qu'on m'a fait. Alors pour le coup, on a le droit de rien dire, mais on m'a dit le pitch et vraiment, ça a l'air grave marrant, quoi. Bah, franchement, c'est hilarant. Ouais. Franchement, c'est hilarant. Bon, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire oh, putain, c'est quoi ce truc de fou. Mais honnêtement, il joue dedans ou il a juste écrit? Non, il joue pas dedans. Il réalise surtout. Il réalise. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour moi, ça restera quand même le gars qui au début de Chétan mixe en disant vous êtes chaud. Oui, moi, j'adore cette scène. Oui. C'est au tout début. Tu sais, quand il y a dans le club. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu le film? Non, je l'ai pas vu. Ah ouais, tu peux quand même le résumer, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, en fait, c'est des gens qui partent en vacances. Bien ils louent une maison. Évidemment. Et elle est juste la maison est possédée par le diable, en fait, quoi. Et du coup, c'est un peu un buddy movie, mais ils essayent un peu d'exorciser la maison. Et Vincent Cassel joue quoi dans le film? Il joue le diable. Ok. Il joue le chétan, quoi. Oh, oh. Tu sais que t'es retombé sur tes pattes sur la fin. Bien joué. J'applaudis. Le running gag, c'est que je résume des films que j'ai pas vus. En fait, il a jamais... bien parce que j'ai envie de voir ce film. Eh bah, il t'a donné envie aussi, là ça... Non, mais c'est grave. Insaf, alors là, c'est du fan hardcore. Parce que tu disais, oui, je vais me présenter ce que les gens ne connaissent pas. D'où vient et peux-tu expliquer le Minuit 53? Alors, ça, c'est les anciens de Golden. Ça, c'est le hit de Golden Moustache. C'est le hit de Golden Moustache. Et vu que ça fait des années, peut-être on peut lever un peu le voile. Ou est-ce que tu ne le non, supportes on peut. Pas déjà, non, peut-être on peut expliquer y a, pour les gens. Ah, ouais, j'allais laisser une Insaf le faire. Le Minuit 53, c'est un rendez-vous qui avait lieu sur la page de Golden Moustache, donc il y a 3 ans. Où tous les jours à minuit 53, je postais un truc. Alors, ça pouvait être un mot, ça pouvait être une vidéo, ça pouvait être n'importe quoi. Tous les jours? Tous les jours, ouais. Pendant 4 ou 5 mois. Et donc, samedi, dimanche compris. Et le truc, c'est qu'en fait, je répondais aux fans en dessous, ce qu'ils appréciaient énormément, en fait. Le fait qu'une page leur réponde. Ouais. Voit, et du coup, sous la page, en fait, il y a des petites communautés qui ont commencé à se former. C'est, ils ont commencé tous les jours à poster les mêmes photos, les mêmes commentaires. Et tout ça, donc ça a créé un vrai petit truc. Ça faisait un peu forum, en fait. Un peu à l'ancienne, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont devenus potes entre eux, ils ont créé une communauté entre eux de gens qui étaient là tous les jours à minuit 53. C'est énorme. Et ça cartonnait sur la page parce que c'était absurde. Ouais, mais le concept qui tue, je trouve. Ouais. Et nous, on était sur le cul parce qu'en plus, nous, tu sais, il y avait le petit ego de bon, bah, Golden Moustache, c'est nous quoi. C'est genre, on fait des vidéos, on fait des sketchs, des machins. Et en fait, non, il y avait ce truc qui existait par lui-même avec des vrais c'est running gags, la chaise, je me souviens, tous ces trucs-là. Mais en fait, ça a pris. Je l'avais fait une fois comme ça pour tester. Parce que c'était une page. Ce qui est bien avec ce qui était bien avec Golden Moustache, c'est qu'il y avait ce côté un peu absurde. Tu peux tenter des trucs. Au pire, si c'est trop absurde, si ça bide, bon bah c'est pas grave. Ouais. Ouais. Puis et le public aimait bien l'audace un peu de Golden Moustache de proposer des trucs un peu chelous des fois. S'il y avait une page qui devait le faire, c'était Golden. Ouais. Et en fait, ça a pris directement dès le premier jour. Donc j'aurais dit bah écoutez, parce que vraiment il était minuit 53, j'ai dit, bah donc j'ai juste écrit minuit 53, bah ça va les gars ou une connerie comme ça. Et les gens étaient méga chauds, donc je leur dis bah, rendez-vous demain à la même heure. Pareil, ils étaient deux fois plus nombreux, méga chauds. Et puis le troisième jour, là, j'ai mis le tabouret en leur disant bon, bah, faites péter le tabouret, quoi. Le truc a été partagé 6 ou 7 000 fois. C'était absurde, tu vois, c'était un tabouret vraiment de Google Images. Et puis voilà. Et en fait, ça marchait bien, donc j'ai continué à le faire parce que c'était m'assurer un poste populaire par jour. Bah ouais. C'est clair, c'est malin. Et ça, ça a fini au Grand Rex quand même, faut le dire. Ça a fini au Grand Rex, ouais. C'est beau. J'ai parlé. Ça a été adapté en long métrage. Avec Liam Neeson dans le rôle du tabouret. Bah, c'est le sujet du film de Mouloud Achour. et voilà. Et non. Et pour la petite anecdote. Golden Moustache, en fait, j'ai failli m'arrêter très vite parce qu'au bout d'une semaine, en fait, mon responsable à ce moment-là, donc pas la personne qui m'avait engagé, parce que la personne qui m'avait engagé était en vacances. Donc moi, je suis arrivée avec plein de questions et je me suis dit, bon, reste là tranquille une semaine. Nico revient la semaine prochaine, toutes les questions, tu lui poses. Donc j'ai rien osé, j'ai fait zéro move, j'ai répondu à aucun tweet, j'ai rien. Et en fait, en fin de semaine, je me prends un taquet en mode, en fait, je ne comprends pas ce que tu fais là, à quoi tu sers. Pourquoi non vraiment t'as répondu à aucun tweet il comprend pas pourquoi toi et pas une stagiaire. Ok. Et vraiment tu prends sympa. Ça au bout d'une semaine et là tu viens de refuser un CDI, tu vas un peu dans le truc un peu flou. On note le tact voilà. De Golden Moustache en tout cas. Ah oui, et tu prends ça et tu te dis ok, donc là la pression elle est maximale. Et voilà, et après le Minuit 53 est arrivé bien après ça. Ouais. Mais j'aurais préféré qu'il arrive le lundi, tu vois, que je suivais. Ah ouais. En mode king. Ouais, voilà. Ah, tu l'as giflé de toute façon quand c'est arrivé le Minuit 53. Ah, ben il m'a invité à déjeuner. Ah, wow. À Minuit 53 d'ailleurs. C'est voilà, c'est ça. C'est ce qui était chelou d'ailleurs. C'est ce qui était chelou. C'est ce qui était assez chelou. Non, mais c'est super. On me demande à moi, alors je me permets. Bah vas-y, c'est vrai que tu réponds jamais aux questions. Oui, toi, bah, je me permets, écoute. Bah, bien sûr. Tu veux que je la lise? Non, je t'inquiète pas. Ah, je t'inquiète bien. Parce que, en plus, non, en vrai, c'est vraiment pas vraiment pour moi, c'est pour l'émission en elle-même. Il y a quelqu'un qui demande si ce serait possible d'avoir les recommandations culturelles à l'écrit. Mais parce ça, qu'en c'est, fait, c'est on vrai, fait hein. souvent des recommandations culturelles dans toutes les émissions. Mm-hmm. Et moi, j'ai la flemme d'écrire la, dans la description chaque truc, machin et tout, ouais. ça me saoule. Donc, quelqu'un me demande est-ce qu'on pourrait les avoir en description des émissions. À chaque fois, j'ai la flemme de les noter pendant l'écoute. Et justement. Discord, il y a quelqu'un qui le fait, non? Le Discord, il y a Titu et Amélie 3000. Alors là, on a un Discord qui est une espèce de grand forum où les gens peuvent se retrouver autour discussion. De discussions très cool. Oui, parce qu'apparemment, c'est foutu de ma gueule quand on dit que c'est un forum. Alors, pardon les Jones. C'est vrai que c'est pas un forum. C'est pas vraiment un forum. Bah, moi, j'appelle ça un forum. Je trouve ça super. Okay. et donc, ouais, Amélie 3000 et Titu et d'autres, je crois, contributeurs, ont vraiment fait un énorme tableau Excel. Mais c'est un truc de malade mental où il y a absolument tout avec les liens cliquables où vous pouvez trouver. Putain, enfin, c'est un travail de titan qui a été fait. Et donc, tout le monde, enfin voilà, c'est vraiment du premier épisode à, bah, j'imagine, celui-ci, ou en tout cas celui d'avant, le temps qu'elle le fasse. Et voilà, il y a absolument toutes les recommandations, vraiment les liens Netflix, les liens IMDb, il y a même des liens Amazon si vous voulez acheter des bouquins, du truc qu'on a conseillé et tout. Donc voilà, je le mettrai en description, ce lien sous l'émission, et je le foutrai, je pense, sur Twitter ou sur Facebook. Pas Facebook d'ailleurs, parce que je n'y vais absolument plus, comme absolument tout le monde. Tu vas, je t'ai vu commenter. Je t'ai vu. Je l'ai lu. Tout le livre d'ailleurs. Sorte de canebasse. Et Adrien aussi, j'ai une question pour toi. Okay. Est-ce que tu as envie de faire des podcasts? Parce que ça aussi, tu avais dit que tu allais le faire. J'aime bien, c'est que tous mes projets que j'ai jamais. Tu as le droit de répondre avec d'autres projets que tu proposes pour que je te puisse te refaire. Voilà, chier. D'autres questions. Non, dans 3-4 mois. C'est ça, exactement. Non, mais j'ai. Là, en plus, j'ai acheté vraiment tout le matériel pour faire un podcast et c'est vraiment, c'est chez moi. Peut-être un podcast sur la masculinité, vu qu'il en manque. Internet. Non, pardon. J'aimerais bien. Après, le truc, c'est que quand je me dis qu'est-ce qui me plairait comme de faire comme podcast. C'est vraiment le floodcast, le truc. Non, mais tu sais, ça serait inviter des gens, puis on discuterait des trucs qui sont passés dans la semaine et tout. Tu fais, oui, c'est exactement. Alors, sachant, Adrien, et je le fais en direct, pas vraiment en direct d'ailleurs, mais en tout cas dans ces émissions, si des fois tu veux driver des émissions à ta sauce, au bout de 5 ans de floodcast, moi, sache que moins j'en fais, le mieux je me porte. Non, mais en vrai, c'est une vraie propale, si tu aimerais driver certains numéros. Après, il y aura le moment où les gens préféreront quand c'est toi et ça me blessera. Mais en tout cas, c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà. Bah écoute, pourquoi pas. Non, mais en fait, le problème là des podcasts, en France où c'est encore relativement jeune, c'est que il y a un peu ce truc où parce qu'en vrai, des podcasts aux États-Unis où c'est juste des gens qui parlent entre eux, il y en a comme nous, il y en a un milliard, ou alors juste des gens en tête-à-tête qui discutent, il y en a 10 milliards aussi. Et moi par exemple j'avais dit à quelqu'un je ferais bien un podcast où c'est juste une discussion à deux avec quelqu'un. Et on m'a dit c'est à bientôt de te revoir quoi. Et je fais non, c'est comme si tu fais un talk show c'est le journal. Oui voilà, et tu fais mais c'est un format quoi. Mais comme c'est encore donc dès que t'as une idée il y a un peu ce truc. Du coup tu te prends la tête pour le format, c'est ça? Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai envie de trouver un truc un peu original ou qui me ressemble et tout, mais en même temps, je trouve rien et ça me saoule et du coup, je fais rien. Et en fait, peut-être que le mieux, c'est de faire un truc hyper basique, genre inviter une personne et discuter. Puisque la valeur ajoutée de ces trucs-là, c'est la personne qui anime le truc, quoi, de toute façon. Donc voilà, peut-être je vais faire ça. Tente-en à bientôt, là, c'est parti. Hein. Ouais, peut-être. Bah, en tout cas, je te dis, si tu veux tester même des pilotes d'émissions ici, moi vraiment, c'est avec grand plaisir. Il me fait des doigts en disant ça et il a craché dans mon verre. Donc je sais pas. J'ai imprimé une photo de toi et je viens de me torcher. Ouais, c'est ça. Donc c'est bizarre. Il y a des signaux un peu. Et j'ai acheté une imprimante très chère pour que ça imprime super vite. Ouais, ça m'a coûté une blinde. Et silencieusement. Et en plus, silencieusement. L'investissement pour m'humilier. Et une dernière question pour Hakim. Ouais. Hakim, c'est quelqu'un qui t'a vu pas mal de fois en scène ouverte et qui te trouve très drôle. Voilà, ça c'était pour le petit compliment du début. Et qui voulait savoir si tu as une envie de faire un spectacle entier ou est-ce que les scènes ouvertes te suffisent ou est-ce que tu as une envie d'avoir tout un show. Bah, ça arrive bientôt là. D'accord. Et bam. Ouais. Et ben voilà. L'actu du gars. Ouais. Ça reste. On y va. Carton plein. Carton plein. Oui, les gars. C'est validé, puissance 4. Ouais. fin novembre, si tout va bien. Voilà, peut-être un avis de... Fin novembre, ouais, bientôt donc. Ouais, putain, bientôt, trop bien. Michel Sardou. Lui, il est pas ouf. Lui, il est middle. Mais, il est pas content. Ouais. Les amis, on termine avec les petites recommandations culturelles des gens qui veulent. Est-ce que je commence ? Insaf, tu as ? Hakim, tu as ? Je peux commencer si jamais vous voulez chercher un petit peu. Peut-être commence. Ouais. Et sache qu'aucun de nous trois ne t'écoutera parce qu'on va être sur notre téléphone. À... Mais tu sais quoi ? Ce n'est pas grave puisqu'en fait, je voulais vous conseiller un livre alors qui est sorti que aux États-Unis. Donc, faut parler anglais. Mais après, franchement, oui, mais c'est de l'anglais vraiment facile d'accès, je trouve. C'est de l'anglais que n'importe qui peut avoir. Ça s'appelle Springfield Confidential et c'est écrit par Mike Rice, je ne sais pas, et en gros qui était le showrunner des Simpsons pendant très longtemps. Et c'est un auteur qui en plus maintenant bosse chez DreamWorks, je crois. Enfin, en tout cas, il est consultant sur plein de films. Okay. Sur les Moins moches et méchants, entre autres, par exemple. Et ce qui doit être, je pense, reposant par rapport à être showrunner des Simpsons. Quoi. Voilà, bah, de toute façon, il raconte sa vie de showrunner des Simpsons, et qui est évidemment quelque chose qui te prend la vie, justement. Ouais. Et lui, par exemple, son hobby, c'est de faire le tour du monde. Parce qu'en fait, quand il fait pas des Simpsons, il a besoin de changer d'un. Son hobby, c'est de faire le tour du monde. Donc régulièrement, il fait le tour du monde. C'est non, magnifique. Pardon, son hobby, c'est de. Enfin, en gros, dans le temps, il fait un pays par vacances. Oui, quoi. Okay. Voilà, il veut avoir visité tous les pays du monde. Voilà. Et en fait, en plus, il y a plein d'anecdotes un peu marrantes où il dit, mais malheureusement, les Simpsons, c'est absolument partout. Donc en fait, il est jamais vraiment déconnecté des Simpsons. Ouais, parce que dès qu'il regarde la télé, il y a les Simpsons. Et après, c'est pas lui qui l'a créé. Non, mais c'est ce qu'il dit. Je dis ça sans prétention, puisque c'est pas moi qui ai créé les Simpsons. Il y a plusieurs chaînes sur les. Généralement. Après, regarde, par exemple, en France, t'as déjà W9, il y a que les Simpsons. Sister, il y a que les Simpsons. Donc tu vois, tu peux vite tomber dessus. Mais en gros voilà, et ce qui est vachement bien, c'est qu'il raconte sa vie avant les Simpsons, mais il y a quand même les deux tiers du bouquin, il parle de travailler sur cette série avec aussi, il a un truc qui s'appelle Burning Christians, qui est super puisqu'en gros il répond vraiment aux questions que tout le monde lui pose à chaque fois qu'il fait des conventions, et c'est des questions sans langue de bois, c'est comme qu'est-ce que vous pensez des Griffins, que tout le monde considère comme un énorme plagiat des Simpsons, et en même temps pourquoi les saisons sont moins bien aujourd'hui, c'est un truc qu'on leur dit à chaque fois, genre bah ça devient de moins en moins bien, pourquoi vous arrêtez pas, et il répond à ces trucs là, c'est un livre très récent, je crois qu'il a 2 ans. Et c'est très drôle et c'est bourré d'anecdotes. Il parle de chaque auteur, ce qui est assez ouf, quoi. Et du coup, il rapporte des séances d'écriture d'auteurs qui n'ont aucun sens, ou il raconte toutes les idées auxquelles vous avez échappé. Et alors peut-être que moi j'ai une déformation de ça me fascine ce truc-là et je suis auteur. Et du coup, les Simpsons, c'est peut-être ma série préférée. Mais en tout cas, franchement, si vous êtes aspirant auteur, parce que je sais qu'on reçoit tout le temps des messages de comment on fait, peut-être. Le mieux, c'est d'écouter plutôt un gars qui a créé les Simpsons plutôt que moi. Et en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et voilà. Ah ouais, bah il a pas créé les Simpsons. Oui, pardon. Mais en vrai, il a un peu créé le ton des Simpsons, parce qu'il est arrivé saison 3, un truc comme ça, quand ça commence vraiment à s'envoler dans un truc vraiment cool. Ouais. Quand les dessins étaient beaux, non quand... ouais, mais en tout cas, voilà, c'est un super bouquin qui s'appelle donc Springfield Confidential. La préface est de Judd Apatow. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Insaf, est-ce que tu as trouvé ton truc? Moi, j'ai. Alors, la saison 2 de Mindhunter. Oh. Qui est vraiment très bien. Non, mais je l'ai fini hier. Ah. Et le héros, c'est Macron, c'est quoi. J'ai l'impression que c'est Macron. Vas-y. Et t'as pas aimé? Si, mais en fait, je trouve que j'ai aimé, mais en fait, ça a les limites des trucs qui sont inspirés de trucs réels. Ouais. C'est que quand la réalité elle est frustrante, bah du coup la fin elle est frustrante. Oui, ça, je suis d'accord. Sans je suis d'accord. Vouloir donc, spoiler si, de ouf. Si par exemple on mettait peut-être un bruitage à cette série. Très très bon investissement cette boîte à son. Elle m'a coûté 60 balles. Non mais sinon oui. Je suis d'accord avec toi. Je me suis fait la réflexion aussi. Et mais t'as oui, kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé, mais effectivement à la fin. On va pas spoiler. On va pas spoiler. Non, en fait, il y a des trucs qui sont frustrants, mais tu te dis oui, mais en même temps ils vont pas inventer. C'est inspiré de la réalité. Je connais pas du tout. Je faudrait que je me renseigne. Tu vois ce que c'est cette série ou pas? Non, pas du tout. En fait, tu veux. C'est Netflix. Bah, c'est les origines du métier de profiler. Profiler, voilà. Donc... Ah, d'accord. En fait, c'est les mecs qui ont inventé le concept de serial killer. En fait, avant, ça n'existait même pas ce concept. C'est-à-dire qu'il y avait plein de meurtres et les gens ils disaient oh là là, il y a quand même beaucoup de meurtres. Et il y a des gens qui disaient mais attendez, c'est peut-être un lien. Ouais. C'est peut-être la même personne, c'est peut-être, il y a peut-être des schémas qui se répètent entre les différents mecs. Ah, et ils ont étudié plein de serial killers. Et ils ont c'est un genre de docu ? Non, c'est une série. Ouais, c'est le genre. Je sais que le show. Enfin, je sais pas si c'est le showrunner, mais en tout cas, les premiers épisodes sont réalisés par David Fincher, tu vois, le gars qui a fait Fight Club. Oui, je crois que chaque premier épisode de chaque saison, mais après, je crois que c'est pas lui, il me semble. Non, il y a d'autres réals, mais genre, il y a d'autres réals, mais qui sont quand même j'allais dire des tueurs à gages. Pas mal. Non, mais genre, il y a de très très bons réals, apparemment. La réal est bien ? Et ouais, incroyable. La saison 2, visuellement, elle est. Ouais, c'est. Bah, c'est hyper beau, et puis c'est en plus, enfin il y a le côté rétro qui est cool aussi. Quoi. Si on compare par exemple au film Les Anges Gardiens avec Christian Clavier et Gérard Depardieu, après... c'est moins lumineux. Ah, voilà. C'est vrai. C'est un défaut pour moi. C'est moins élégant. Adrien. Oui. Mindhunter saison 2. Ouais. Non si. Non, mais j'avais deux trucs et j'en ai oublié un, mais c'est pas grave. Il y a un jeu sur Switch qui s'appelle Wilmot's Warehouse. Et c'est très bizarre, mais c'est un jeu que Pierre, après l'émission de la dernière Pierre fois, Lapin, m'a recommandé. Du coup, j'ai testé. Et alors, c'est impossible de le décrire sans que ça ait l'air du jeu le plus chiant du monde. C'est en fait, le personnage est un petit carré et il est dans un entrepôt. Et en gros, il y a des livraisons qui sont faites à chaque fois. Et putain, c'est nul. Mais non, mais c'est vrai que c'est nul, mais j'y joue. Je gerbe. Au bout d'un moment, je pense que ça va me lasser. Au bout d'un moment. Mais là, pour l'instant, je fais oh, c'est sympa. Et en gros, faut vraiment gérer son entrepôt, c'est-à-dire déplacer les petits trucs, faire ranger les trucs et tout, parce qu'après le round suivant, c'est il y a les clients qui disent ah moi je veux trois trucs comme ça, deux trucs comme ça, et tu dois aller les chercher, les amener quoi. Mais... Et c'est chiant, mais en même temps il y a non mais ça a l'air chiant, mais en même temps il y a un côté, il faut s'organiser machin, faut faire des trucs, tu peux acheter des bonus pour machin, etc. Donc c'est un peu ça a l'air un peu chiant comme ça. En vrai, c'est pas le jeu le plus excitant. T'as prévenu au moins. Voilà, c'est pas le jeu le plus excitant du monde, mais c'est sympa quoi. C'est surtout que j'ai rien d'autre. Je te connais, on va passer à qui. Après, tu fais attends, j'avais un dernier truc. Voilà, c'est pas spécial. Moi j'ai un deuxième. Vas-y, go. J'espère que tu l'as pas vu et que t'es pas déçu. C'est le documentaire Netflix, enfin qui est sur Netflix, sur Lance Armstrong. Ah non, j'ai pas vu moi. Sur non, comment en fait ça. il s'est fait choper. Ouais, j'ai vu choper. Ça. Aïe. J'avais vu ça. Et longtemps, ça. Je crois qu'il est il a été mis récemment sur Netflix. Ah bon ? Je sais pas. Parce qu'il y a le film qui par contre est nul, mais le reportage sans faut pas être fan de cyclisme ni rien, mais c'est juste la manipulation et comment le gars en fait a niqué le monde entier pendant 7 ans et comment il s'est fait avoir. Pisser, il paraît. Ouais, frottement de pisser. Et comment il s'est fait avoir ? Et en fait, c'est assez impressionnant, c'est juste un mec qui avait un melon énorme, qui était hyper et en fait il s'est vraiment fait choper pour une connerie, c'est que il a oublié son portefeuille parce qu'en fait apparemment il se dopait vraiment ouvertement dans l'équipe devant tout le monde, donc ça fait beaucoup de témoins, tu te dis bon la confiance quand même. Et en fait il y a un mec qui s'est fait têche de l'équipe, qui est allé dans une autre équipe et qui en gros il y avait pas de dopage organisé, donc il s'est fait prendre. Et il l'a rappelé au bout du rouleau en disant « Vas-y, laisse-moi revenir dans ton équipe. » Il lui a dit « Bah, jamais, va chier. » Et donc le mec a dit « Bah, ok. » Et il est allé voir les gens et a dénoncé toutes les pratiques. Et c'est vraiment genre, ça s'est joué à rien, quoi. Parce qu'il avait eu ça s'est joué à être un sale con, en fait. C'est ça. Il avait eu plein d'enquêtes, plein de trucs derrière lui. Il a toujours été innocenté. Et en fait, sur la fin... Oui. C'est genre, mais je me rappelle vaguement de ce reportage, j'ai vu ça il y a quelques temps, mais je me rappelle qu'il y avait pas mal de monde qui se dopait aussi, même dans son équipe. Enfin, tout le monde toute son équipe. Mais sans jamais avoir été contrôlé ni rien. Ouais. Et en fait, il arrivait aussi à faire taire, parce que ce qui faisait un peu le mythe du gars, c'est qu'il avait eu un cancer et qu'il était. Oui, c'est ça. Il a perdu une couille. Et en fait, t'apprends qu'il a eu un cancer parce qu'il se dopait. En vrai, déjà. Il a trois couilles en vrai. En vrai, il a trois couilles. Tout va bien. Ouais. Grâce à Dieu, tout va bien. Et non, mais voilà, c'est hyper intéressant. Le documentaire est vraiment bien foutu. Sans vraiment devoir être fan de cyclisme. Ouais, oui, c'est j'allais te demander. Non, pas du tout. Quand tu t'en fous, tu peux quand même kiffer, quoi. Ah, complètement. Mais moi, je me dis maintenant, en fait, vu que tout le monde se dope, on pourrait peut-être dire, bah ok, vas-y, c'est autorisé. Il y aura quand même des meilleurs que d'autres en se dopant, quoi. Il y a des gens qui disent ça. Hein. Ah ouais. Bah je crois, ouais. Bah, Flaubert vient de le dire. Moi, je vais le dire. Moi, je le dis. Bon, on le dit tous. Comme ça, on est tous contents, non ? Comme ça. Ah, je suis d'accord. Mais c'est pas que dans le cyclisme, ça, c'est partout, hein. C'est ça. Ah oui. Dans le foot, on en parle même pas, vaut mieux pas. Moi d'ailleurs, je rejoins le PSG. Ah, moi, ouais. Je vous le dis. Ah, ça me fait plaisir. Ah, ouais. Oui, bravo. Avant-centre. Avant-centre. J'ai jamais vu un match de ma vie. Tu m'entends ? J'ai dit juste un mot comme ça que j'ai entendu. Mais c'est pas mal. Ça tenait la route. Félicitations. Merci beaucoup. Hakim ? Ouais, alors moi, il y a un livre que je conseille tout le temps. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois. l'attentat de Yasmina Khadra. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pas du tout. Extraordinaire, c'est pour moi un des meilleurs pitchs qui puisse exister. En fait, je te le fais rapide, vas-y. Je vais rien vous spoiler du tout. C'est en fait, c'est l'histoire d'un médecin palestinien qui vit donc à Tel Aviv. Donc c'est un musulman, tu sais, donc musulman accepté de tous, réputé comme étant un excellent médecin dans un hôpital très célèbre à Tel Aviv. Sauf qu'il s'avère qu'un jour il y a un attentat à Tel Aviv. Et donc c'est le médecin, il reçoit les gens accidentés. Il reçoit dans son hôpital, etc. Et puis à un moment donné, il reçoit le cadavre qui s'est fait exploser. Tu vois. D'accord. Et il s'avère que c'est sa femme. Ah. Tu vois, et là, l'histoire commence. D'accord, putain. Meilleur pitch. Ouf. Ah, c'est vachement bien. Je vais peut-être pas lancer un son de Michel Sardou, du coup. Je conseille vraiment celui-là. Ouais, c'est un très bon pitch. Et en plus, c'est fou que personne l'ait pris au Cinoche, d'ailleurs. Bah, écoute, il me semble que. Tu sais, lui, il y a pas mal de films qui ont été repris. Il y a Ce que le jour doit à la nuit. Ah oui, bien sûr. Ouais. Que j'ai vu au cinéma, et trop marrant. C'est une petite anecdote, mais je suis allé voir ce film. Je le préfère, c'est mieux à lire qu'au cinéma, c'est trop long. Ouais. Mais c'était marrant parce que je regardais le film. Ok, fan de Yasmina Khadra, je regarde le film. Et puis à un moment donné, je vois mon oncle du bled dedans. Je te jure que c'est vrai. Mon oncle qui vit en Tunisie, tu sais, je le vois, il est dedans en train de jouer un serveur. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, frérot? Il dit, bah, je suis acteur, qu'est-ce qui t'arrive? Il te le dit dans le film en plus, c'est ça qui fait. Ouais, direct en live. Il se tourne d'un temps, il fait, bah quoi? Bah quoi, Kim, ça va toi? Non, bah super, franchement super. Mais d'ailleurs, ce livre aussi, mais tous ses ouvrages sont extraordinaires. Et il a un livre aussi qui s'appelle Les Sirènes de Bagdad qui t'explique. Ce livre-là date d'il y a une bonne dizaine d'années quand même. Non, bien plus. Il t'expliquait en avance ce qui allait se passer en vrai le 13 novembre. Quoi, tu d'accord. Vois. Incroyable. D'accord. Il est incroyable ce mec. Il a des punchlines de dingue. Des fois, tu t'arrêtes, t'es obligé de relire. C'est pour tellement que c'est ouf. Bah écoutez, les amis, merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était grave cool. C'était chambé. C'était cool, merci à toi. Merci beaucoup. Ah. Juste, moi, j'arrive pas à télécharger le. Il se télécharge pas l'épisode annonce de la billetterie. On s'en fout maintenant, mais. Non, bah je l'ai effacé. Tu l'as effacé, d'accord. En fait, je l'ai effacé parce que, en gros, d'ailleurs, c'est un truc très bien géré de ma part, puisque j'ai envoyé l'annonce après que le Bataclan soit complet. Donc, bravo. C'était parfait. Bah, en fait, on a rempli en 20 minutes. Donc, c'est pour on était méga contents. Ouais, on était méga contents. Incroyable. Et moi, je l'ai posté genre une heure après, je crois, parce que j'avais pas du tout prévu qu'on remplisse vite. Bah, tous les humoristes de Paris rêvent de ça. Hein. Non, mais on est trop contents. Le public a répondu présent. Donc, c'est chambé. Et donc, du coup, j'ai supprimé l'annonce. Et en fait, je gère très très mal iTunes. Et en fait, c'est toujours présent dans les Apple Podcasts, c'est inécoutable. Donc, voilà. Un beau raté de ma part. Mais peut-être, je crois qu'Antoine, qui produit et qui a déjà fait des annonces aussi, me disait que ça disparaît au bout d'un moment. Donc, voilà. Mais en tout cas, là, on peut plus l'écouter. Non, désolé. Moi, je l'ai entendu. Ouais, pas moi. Ça valait le coup de me faire chier et de m'appeler. Ça a pris 10 bonnes minutes, hein, Adrien. C'était beaucoup plus long. Bon, en tout cas, les amis, un dernier tour de table. Toi, Insaf, tu es toujours sur les internets, un peu caché. Toujours sur les internets. Toujours. Mais pas en mon nom, donc c'est à gauche, à droite. Exactement. Vous pourrez pas me retrouver. Mais peut-être que je signe rarement. Peut-être que vous verrez des trucs. En fait, vous savez pas que c'est elle, mais en fait, c'est elle. Pour moi, c'est ça. Batman. À mes yeux, tu es Batman. Je te le dis tout de suite. Hakim, donc toi, là, il y a 1000 doses, donc clique. Ouais, clique, le spectacle et puis le film. Hein. Voilà. C'est cool déjà. Vraiment, beaucoup de travail. Vraiment beaucoup. On s'accroche. C'est ça. Et Adrien, donc tu rentres en tournage, toi, la semaine prochaine, je crois. Voilà, c'est j'ai ça. Pas le droit de dire quoi, mais bien c'est la deuxième saison d'une série dont je suis le personnage, un des personnages principaux. Voilà, mais je peux pas dire. Bon, je dis pas laquelle. Non, mais on dit pas le titre. Après, si vous êtes du côté de Cabourg, par exemple, ils cherchent des figurants. Donc, voilà. Si vous tapez figurant Cabourg série, vous trouverez des renseignements. Mais nous, on a rien le droit de dire. Donc, nous, on vous dira rien. Ou alors, vous allez sur le compte Twitter de Cérémania, peut-être qu'ils ont. Enfin, peut-être qu'ils l'ont annoncé, et peut-être si vous allez sur le site d'Allociné. Et vous tapez une des séries sur lesquelles on a pu travailler avec Adrien, sachant qu'Adrien et moi, à deux, on a travaillé sur une seule série, peut-être vous verrez des informations complémentaires. Si vous allez sur le compte de Monsieur Série, il chie déjà sur cette saison 2. C'est vrai. Ça, faut quand même le dire. Il a mis quoi comme adverbe Il a mis. En fait, il y a Cérémania qui a dit donc la série. repart pour une saison 2 et il a répondu crispant. Sachant que c'était un gars qui nous avait défoncé dans il avait pas aimé la saison Télérama, je crois. Oui, c'est ça. Ah ouais. Il avait pas aimé la saison 1 et du qui coup... aussi ça n'a rien à voir mais humainement, c'est pas lié du tout les deux, mais non, parce que là on pourrait croire que t'es un peu un rageux alors que pas du tout. Pas du tout. Non, c'est objectivement tu le compares à Voilà, c'est ça. Bon, ça écoutez, très mauvaise. Écoutez. Vivre avec lui toute sa vie ou avec toute sa vie, tu choisis. Bah ouais, je crois, j'ai eu l'impression. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mais les ça amis. N'a rien à voir. Non, il aurait pas écrit cet article, j'aurais. Je pense qu'il aurait adoré la série. J'aurais été pareil. J'aurais été dégoûté. J'aurais dit putain, non, pas lui. Putain, je veux rencontrer ce mec. Comment il s'appelle? Mister série. Mister, c'est pas monsieur. Ah, c'est Mister. Oui, bah parce que toi, j'ai vu que tu prononçais ton pseudo Twitter Monsieur Flaubert, ouais. Mais MR, c'est Mister. Ah, d'accord, bah c'est. Bah, voilà. L'abréviation de alors, monsieur, c'est M. Ah, le mec. Mister Flaubert, voilà. Bon, bah voilà, c'est ridicule. Merci beaucoup, en tout cas, à bientôt, ciao, ouais. Bye. Ciao. Merci. Paname All Star. Vous allez nous montrer de quoi vous êtes capable. C'est quoi ton blaze? Haroun. Tu représentes quoi? Paris Besba, tu connais le boulevard. Vas-y. À la goutte d'or, on s'en bat les couilles que tu sois fort comme Hulk. Ça change rien, tes coups de pression, tu peux te les foutre dans le cul. C'est pas tes péripéties qui vont nous épater. Car aujourd'hui, à l'heure qu'il est, tout le monde il est tardé. A mon avis, tu ferais bien de retravailler ton intro. Car ce que tu racontes, c'est tellement dit que je pourrais te baquer en afro. Je sais pas ce que tu fous, mec, ni même où t'habites. Mais juste que chez nous, c'est le souk et c'est ce qui fait que ma plume s'agite. Funky, ça sonne comme funky, mais c'est plus violent. Ça peut chanter la haine, tout comme faire chialer les violons. Comme quoi, ça peut aller loin, une petite bande d'insolents. En se mettant dans la tête qu'elle peut croquer comme un indolon. On est entrepreneurs et comme c'est mort, on passe nos nerfs sur fond sonore. Et tout à notre honneur, les gens qui flottent sont morts. Pourtant on n'est pas stars, on mène une vie de sonar à la holder du bastard. C'est quoi ton place? Mano Kid me ça. Vous représentez quoi? C'est ok. Donc on représente le 7-7, le plus grand département, donc fais gaffe à 7-7. Tout comme au billard, n'oublie pas ta queue. J'ai du cosmos comme au manège dans les cuisines de chaîne 2. Le ciment, le béton, peut-être qu'on a l'amour du bloc. Une spéciale à Melun, un mot, au Détroit est plus fort. Qu'on fasse, qu'il faut qu'on fasse, nos beats à nos billes 7-7, c'est le four à pain pour les crétins qui concrètent. On a notre propre salut, on a nos propres manies. Du maire Savigny en passant par Shell, Noisiel et Torcy, c'est le topo de la nouvelle génération, nos futurs. Des fois en rupture, nos camisoles, gare à vos figures. Garde un main schlasse si tu veux blesser. Ce qui te rend insensible, c'est ce peine insatiable. À quoi bon télécom, chaque mec de chape. Je veux têter la vache sans l'avoir offert par un quelconque sacrilège forcé. C'est quoi vos blases? 13 et 16 et c'est du test, on te pile. Vous présentez quoi? Bagdad, Guelphar et les Yvelines, okay. Arrêtez de parler, 7, 8, 0 comme Harley. Les Yvelines, capitale de la drogue comme Harlem. La rime c'est ma pute, faut que tu viennes dans mon harem. On est les Yvelines stars, les lions sont lâchés dans l'arène. Fais le tour, les mains sur le capot, ici c'est stand de tir. Dans l'US profonde, ici c'est du sar, viens investir. On a le vrai style, la cause, braqueur de poste. Ready pas mon blaze, on est sur écoute, vas-y raccroche. Moi quand je rappe, tu voudrais que je vienne de ta ville. Depuis des squads qu'elle fait ID. Ça c'est chaud, les Yvelines, va ça parle 7, 8. Mais fais pas genre, tu sais qui c'est. Mais qu'est-ce que tu fais, c'est le territoire des hyènes. Chez moi viens plus pisser. Si t'insultes l'escadrille, vite, appelle ton marabout car je t'explique. En quelques secondes, tu peux devenir une statistique. Nous sommes Agnès B, la guerre à des codes barres pour barreau. Tous des RSK avec des frettes de barre pour carreau. C'est quoi vos blases? C'est Nick et James. Vous représentez quoi? 91 et Sonne, mec. Allez-y. Tu parlais mal de mon 9-1, mais n'y viens pas, tu seras pas en lieu sûr. Depuis qu'on prend le dessus, t'as plus qu'à te branler sur ma banlieue sud. Toi tu penses que c'est désert, que chez nous y'a que des gens. Sans être méchant, protège tes gens, qu'on t'apprenne à tes champs. C'est pour mon bloc, même si la bac soulève les baccaras. La rage de mes kairas, c'est du carré, 91 carats. Nous c'est les mecs qui font du rap et des bêtises. Entre la tessie et la tease, entre le bise et les cuisses des lettres. C'est Nicky Diam, ça parle 91 comme tu parles de chez toi. Mais quand tu veux des gros sous, bah tu repars de chez moi. Donc si tu parles mal de les sommes, mec, je pense pas qu'on s'entende. Tu voulais mettre à l'amende, mais le 9-1 était pas consentant. Tu parles mal des urines, des frites, de riz orangiste. Mais t'aimes bien que ta meuf vienne jusqu'au parloir de fleurs et mérogis. Tu nous oublies parce que t'as pas goûté la banlieue sud. Je te répète avant que t'oublies dans les sommes des banlieues sud. C'est quoi vos blases? Salif, Zoxy, mec. Vous représentez quoi? 9, 2. Qui qu'est ça? Négro, je recharge. Tire une fois et le public saigne. C'est haute scène, sortez les fusils, les fumigènes. Le rap est devenu zen, puis qu'on y traîne. Enculage du système, nous on dit haine quand tu dis bang bang. Écarte bien le couze, écarte bien le trou, écarte bien le trou. C'est pont 7, 92, on fout le soupe. On coupe nous, ton groupe doute, on trouve tout. Tu veux un scoop, donne-nous un mic, un hook, on shoot tout. 92 en rouge, que les faux rappeurs se rendent. Vu qu'il y aura pas 15 rounds pour se rendre. King de boubou, ouais, on se tape tous pour se rendre. Parce que chez nous y'a pas à dire, on est un peu tous range. Pupit de boule, y'a eu c'est beaucoup de gang. Gros grand écoute, prends écoute mon son, c'est pas de la souche. Ça shoot. Pourtant c'est cool vu qu'on est arrivé en paix. Pas de shoot. Un tas de couilles, mais t'inquiète, à l'arrivée on baise. c'est quoi votre place? Tandem, Bibi. Vous représentez quoi? 93. Allez-y. Ouais. C'est quand on a trop la dalle qu'on peut manger la gamelle. Y'a qu'avec une paire de couilles qu'on peut grailler du caviar. Bro, j'ai le cafard. Un frère au bagne, un autre en couille. Et moi dans je ne sais quoi, putain de squad. 93 hardcore, cerné par les forces de l'or. Rares sont les voyous, sont la grosse barbe et les putains de cernes. C'est la bourse ou la vie. Sur Robert, c'est la course pour le fric. Un putain de T-Max pour en espérer un max. Génération qui a réponse à tout. Panama Star et ouais, Frollo, je vais faire de ma vie une putain d'offre d'art. Petit con, il te faudrait plus qu'une vie tragique pour un ticket vers la gloire. Rappelle-toi qu'à Aubert, c'est sous le champ des gyrophares qu'on subit le choc. C'est sidérance, plus d'émotions qui pénalisent ma verbe. Et noircis mes mains ou maintes fois, je suis confronté à la froideur des chiens. Alors qu'il y a, y'a des mecs qui sont payés pour penser aux questions que tu te poses. Dis-toi que chez nous, y'a que Marie-Jeanne et Jaco qui se marient pas. Dis-moi pourquoi je m'explique plus avec ma femme. Pourquoi ma vie tourne au drame et pourquoi j'arrive pas. Eh ouais, gros, c'est 9-3 les tireurs d'élite pour dilater ton rectum. Rappelle-toi que même les morts de Comores sont d'or. C'est quoi vos blases? MKP 113. Vous représentez quoi? 9-4 poteau. Ok. Bim. Putré sur scène et ce mic bolo, c'est la seule chose qui nous revienne de droit. Le cap de droite dans le front marque, genre d'une benne urbaine. Je vis ni comme un Hood, ni à la hollywoodienne. Gros, je te traumatise ma couille. T'as le putain de matos et les magouilles. Mes blackos et mes rapzous, Hassoul, trop froidi pour 3 sous. Le 300 lune sur le drapeau, c'est pas une news. Vitré 9-4 rime avec Braco. Nous on s'en va les reins, 9-4 soupape. C'est la mafia, les grosses frappes. Sur le terrain, y'a que nos petits frères qu'on palme. C'est la BS, gros, t'as la BS. Nous et les coriaces, on mange halal que AVS. Camigoute, la racine. On trempe les institutions dans un bas d'acide avec les racistes. Faut qu'un signe, un classique, un principe. Dans ma banlieue, tu trouves du trafic et du plastique. C'est quoi votre place? Sniper, rimeur d'élite section. Vous représentez quoi? 9-5, Val-d'Oise, banlieue nord, tonton. Ouais. Sorti de nulle part, c'est trop le bal. La région parisienne, on met le 95 sur la tocard. Les banlieusards du nord interviennent. Les hyènes participent au Delport. À Deuil la baronnière entre espace vert et côté obscur. SNIPER, y'a pas d'imposture. Grosse odeur de BR, la famille derrière pour me booster. D'ailleurs, j'en passe une pour les voisins du 93. Bref, tous les endroits où tu peux me trouver posté. Ouais, ça, t'es mal à riposte. La rage dans mes couplets. 9-5 pour faire poulet au foyer ou au poste. Tout d'abord, c'est banlieue nord, pas les choses à moitié. Voyez là-haut, les picots ont dépassé Poitiers. Associable, sniper, produit prohibé. Fournisseur de matière inflammable comme JR et JB. Val-d'Oise, ZF, la haine qu'on apprivoise. Là-dessous, à DDF, de deuil la barre à Pontoise. Serre les sub 5, ici Placo 9-5. L'MC Reggae Mano, flow coupé sur 5. Val-d'Oise, banlieue nord, j'ai un milité. Faut que je donne sa fort à mort, je vais représenter. C'est pour les 9-5 sonar, c'est du snipe cronard. Je te le rappelle au cas où t'aurais pas capté. C'est pour mon QG, ma zone, mon secteur, mon quartier. 9-5, puis les gouttiers de mon Vous savez tous représenter comme il le fallait. Panama Star, le cercle de feu pendant foiré. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha